Bonjour à toutes et tous. Alors avant que cette grande revue de presse JV ne commence, je tenais à faire une petite intro à part pour vous expliquer un petit peu les circonstances dans lesquelles cette émission a été réalisée. Donc c'était il y a maintenant un petit mois. Pour le montage, j'ai eu pas mal de petits soucis, pas mal de retards. Alors je vous passe un petit peu les détails. Mais voilà pourquoi, même si j'ai essayé de réduire un maximum, pendant l'émission vous allez entendre parfois des petits bruits de clavier, quelqu'un tousser, etc. Bon, c'était un petit peu compliqué. Cette grande revue de presse JV était censée terminer donc la saison 3. Mais vous savez qu'entre temps j'ai fait des tests, j'ai fait des pilotes pour la saison 4 sur ce même flux avec le retour de l'édition quotidienne. Donc l'émission revient en septembre, hein, comme prévu. Je vous donnerai la date précise ultérieurement. Mais voilà, donc il y a du retard et je m'en excuse. C'est aussi une émission qui part un petit peu dans tous les sens. Vous verrez, c'est un petit peu bordélique. Il y a beaucoup de spoils aussi, même si le sujet le plus traité, c'est The Last of Us Part 2. Et qu'au début, vous allez nous entendre parler de Microsoft, puisque ça s'était enregistré le lendemain de la fameuse conf Microsoft qui a fait tant polémique avec ce Halo Infinite quelque peu particulier, si je puis dire. Voilà, donc ça s'est fait un peu comme ça, la bonne franquette, c'est assez déstructuré, et en même temps j'aime bien le rendu que ça a. Il y a des petits bruits parfois à droite à gauche, donc mais je pense que ça ne vous empêchera pas de passer un excellent moment en notre compagnie, et je vous remercie encore pour votre fidélité, et je vous dis donc rendez-vous en septembre, pour le vrai début de la saison 4 en quotidienne. Donc je vous fais de gros bécos et je vous dis à tantôt, et je vous souhaite surtout une très bonne émission. Allez, bye bye. On mise sur combien de temps à peu près, pour savoir? Oh, un petit quart d'heure, et puis c'est plié. Hein. Ouais, ouais, bah c'est ça. The Last of Us, ça vaut pas le coup. The Plague Tale, c'est un peu surcoté, et puis c'est bon, au revoir. Voilà, c'est bien. Je pense qu'ils vont pas être déçus d'avoir attendu le podcast pendant des mois. Là, t'auras des commentaires au moins, ok? Je n'aime pas cette attitude, monsieur Mopral, c'est contre-productif. Là, vous faites dissidence une fois de plus. Vous serez convoqué au bureau. Bah, la semaine prochaine. Au bureau de la fédération. Ah, bah oui, on se voit bientôt en plus. Ah, oui, en plus. Donc, je fais profil bas quand même. Eh, tu vas encore m'acheter avec des gâteaux, puis voilà, tout sera pardonné comme d'habitude. Je sais que ça va marcher, bah évidemment, les gâteaux, ça marche toujours. Mais oui, mais moi, je vendrais mon âme pour un petit gâteau, moi. Ah, j'ai même prévu les macarons et tout, t'inquiète pas. Oh là là là là là, bon, alors je t'autorise à dire du mal de The Last of Us et de Plague Tale. Eh ben voilà, c'était simple. Moi, c'est facile de m'acheter, hein, avec le ventre, hein. Quoi, tu veux quoi, machin truc, vas-y, tu veux un pack de bière, je sais pas, choisis. Ouais, ouais, mais il faut qu'elle soit fraîche aussi, si tu me ramènes de la bière. Je te les amène moi-même, voyons. Ah bah vas-y, quand tu veux. Je sais même plus où t'habites en fait. Bah tu vois la bosse, bah entre deux champs de blé et il y a une route, bah c'est là. Ah bah je connais, j'habite pas loin. Tu verras, il y a des éoliennes pas loin. Oui, bah, un peu partout quoi. Il va venir avec son scooter, hein, et ouais, son petit caisson réfrigéré. Exactement. Ça va être beau. Ouais, enfin bref, pour retourner à la conférence Xbox, moi c'est le tweet de Terry qui m'a fait marrer, où tu voyais 4 PlayStation 4 soulever la Xbox. Tel un cercueil avec la musique. Ah ouais, non, mais il y a des montages qui tournent, mais ils sont. Mais franchement, hier, c'était. J'en croyais pas mes yeux, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment on peut faire ça? Enfin, j'ai pas compris. Ils nous ont teasé pendant des mois. Vous allez voir ce que vous allez voir. On est confiants. On a la bécane la plus puissante de la galaxie. Et t'as un truc. Mais franchement, c'est. À côté, oui, quand tu joues à The Last of Us 2 ou à Ghost of Tsushima, t'as l'impression d'être sur Next Gen, quoi. Vraiment, clairement. Hier, c'était le seul qui a envoyé un peu du bois, mais c'était pas du gameplay. C'était Forza, comme d'habitude. Mais puis c'était encore plus que dans la conf PlayStation 5. C'était que des trailers, quoi. À part Halo, où le gameplay était... Ben voilà, le jeu était vraiment pas beau du tout. Et le pire, c'est que tu voyais des comparos sur Twitter tournés entre Halo Reach et Halo Infinite. Halo Reach, il fait 10 fois plus beau, quoi. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Et le pire, c'est qu'elle était quand même attendue, cette conférence, parce que tout le monde attendait justement la passe d'armes entre Sony et Microsoft, justement, pour la conf Sony. Mais là, c'est chaud, bloc, quoi. C'est chaud, et puis c'est vrai qu'au-delà du discours, comme je disais, que, voilà... J'en parlais dans l'émission aujourd'hui, ce paradoxe total entre nous, c'est le service qui compte, et en même temps, on veut vous vendre la console la plus puissante du monde, et on la sabote d'emblée avec des jeux qui, voilà, qu'on voit pas du rêve du tout. Il y a ça, et puis, je comprends pas, quoi, et l'impression qu'ils tendent les clous et le marteau pour... Après, avec le Game Pass, ils sont tranquilles. Mais alors pourquoi se faire chier à vouloir vendre la Series X ? C'est ça que je comprends pas, quoi. Bah, à ce niveau-là, autant plus faire de console, quoi. Autant éditer les jeux uniquement. Mais voilà, on est d'accord. Donc là, clairement, je veux dire, même parmi les plus fervents défenseurs de la marque, je pense qu'il y en a certains qui se sont dit, mais attends, j'ai pas... Et surtout que les jeux sont sur PC aussi. Donc, enfin, c'est Game Pass, c'est le PC, c'est... Qu'est-ce que tu vas te faire chier à... Alors, il y a une poignée d'irréductibles qui vont l'acheter, bien sûr. Mais c'est chaud, franchement. Là, pour moi, on n'est pas au niveau de la fameuse conf qui a tout renversé à l'époque pour la One. Mais je trouve qu'on n'est pas loin, quand même. Hein. Hier, c'était terrifiant. Vraiment, je me suis mis dans les bottes d'un fan d'Xbox. Je me suis dit, mais putain, mais tu chopes la chaise d'emblée, quoi. Quand tu vois ce qui... C'est... Enfin, je sais pas, c'est tendre le bâton pour se faire battre. À la limite, Halo, ils auraient dû juste laisser la petite cinématique qui était chouette au début. Ils se seraient pris un peu d'insultes, mais au moins, tu vois, ils auraient eu le temps de faire du polish. Bah, remarque, il sort à la fin de l'année en plus, donc je sais pas non plus au niveau du polish ce qu'ils auront le temps de faire, mais bon. C'est intéressant, c'était de voir éventuellement le cours de l'action Microsoft après la conférence, savoir si ça s'est cassé la gueule ou pas. Et ce qui est intéressant aussi. Parce que hier, pour la revue, je voulais... pourtant, j'ai fini, il était 2h du mat, mais je voulais voir un peu les comptes rendus de la presse, mais ils avaient peu le temps de les taper parce qu'ils étaient à fond sur les news, il fallait absolument newser, voilà. Puis là, vu la période, toutes les rédacs sont pas forcément complètes. Du coup, j'ai été voir les conclusions de certains streamers, et beaucoup disaient... bon, tout le tout, c'était, la plupart étaient dégoûtés, et beaucoup disaient qu'ils faisaient un comparo, en fait, et ça, c'est intéressant, des viewers qu'ils avaient pendant la conf d'il y a un mois du reveal vraiment de la PS5 et là de cette conf Xbox qui était très attendue, mais on passe d'un rapport de 1 à 5 quoi parfois. C'est à dire que même en termes de viewer, même au début, avant qu'on se rende compte que c'était un peu naze, il y avait 3 à 5 fois moins de viewers quoi. Et ça, je trouve que c'est une tendance, enfin, c'est un indicateur qui est super important, quoi. Donc bref, vous ne l'avez pas vu, donc... Mais je pense que ce serait bien, après on verra le temps qu'on met à enregistrer. Le temps qu'on met à enregistrer, il y a peut-être évoqué succinctement, je sais pas, le jeu ou les jeux qui nous ont marqué cette année, quoi. Puisqu'on finit la saison. Ah ouais, là c'est vrai que... Va falloir faire une petite liste alors du coup. Avec ma mémoire poisson rouge, j'aurais peur d'en oublier. Il y en a 2-3 qui me viennent en tête tout de suite. Bah Last of Us déjà... Ah bah de toute façon pour moi les deux de cette année, pour moi c'est une année magique. Rien que pour The Last of Us 2, FF7 Remake, enfin c'est assez dingue. Ghost of Tsushima c'est un peu tôt pour me prononcer parce que pour l'instant j'aime beaucoup mais je suis vraiment qu'au début, j'ai pas trop eu le temps de poursuivre. Après Bah t'as Resident Evil 3, ouais. SER4 ou justement Alors Resident Evil 3 m'a beaucoup déçu. Là j'ai pu me faire, en plus j'ai pu pas mal enchaîner parce que pour mon anif tout le monde s'était cotisé pour me faire un super bon PSN. Du coup là j'ai une réserve PSN comme j'ai jamais eu. Et j'ai pu enchaîner, j'ai attendu les promos et RE3 je me le suis fait, j'étais extrêmement déçu. Pareil, et pourtant c'était la première fois que je le faisais. Hein. Bah En fait t'as certains trucs qu'ils ont été mis de là. En fait t'as l'impression que le jeu a été coupé en deux. La première partie est super bien faite, puis arrivé au combat contre Nemesis et après c'est plouf, t'as plus rien. T'as l'impression que c'était fait avec du remplissage. Bah oui, j'ai l'impression que Nemesis dans sa version gabardine, un père de détective là, j'ai l'impression que tu le vois pour... Enfin, c'est le truc que... C'est l'impression que j'ai. Que tu le vois, mais vraiment, mais genre 3 scènes et puis adieu quoi. Il est déjà en strobe machin. Alors que la version PlayStation, c'était déjà de la trilogie originale PlayStation, c'est celui que j'aimais le moins le 3, mais j'avais souvenir quand même, donc c'est un de ceux que j'avais le moins refait, mais j'avais quand même souvenir que le Nemesis, tu le voyais quand même plus longtemps dans le jeu, dans sa version première, on va dire. Là, je trouve que rapidement il se transforme en espèce de gloobie-boulga. Et je sais pas, il est bon, hein, enfin je veux dire, c'est pas un mauvais jeu, hein, vraiment il est. Et après, je l'enchaîne après The Last of Us 2, donc je sais pas, il y a peut-être ça aussi, je sais pas. Mais par rapport à RE2 Remake, au-delà du fait qu'il soit très court, je trouvais que ça manquait de. Oui, on a vraiment l'impression qu'il manque une partie, quoi. J'ai fait le 2 et le 3 sans les avoir connus à la base, j'ai largement préféré le 2, quoi, au niveau histoire, au niveau sensation, au niveau stress. Le 3, j'ai juste l'impression que c'est un gros nanar, ça m'a pas fait cet effet-là sur le 2, quoi. En fait, Nemesis, il a été survendu. C'est surtout l'impression que je redonne, parce que tu es dans toutes les critiques, il vous lâchera pas, etc. Et moi, entre le 2 et le 3, c'est le 2 qui m'a fait le plus flipper parce que t'avais le Mister X. Ouais. Il était là en permanence, quoi. Tu savais pas quand tu allais le croiser, c'est ça qui te faisait flipper. Oui, et t'as Nemesis, pas cette en fait, dans... il est prévisible. Dans Nemesis, ouais, effectivement. Puis la VF du 3, enfin, vraiment, je l'ai pas trouvé terrible, terrible. Bah, en plus, c'est... j'ai trouvé que. Alors, il y a un côté série B qu'on accepte dans Resident Evil que moi j'adore. Mais j'ai trouvé que dans le 3, il y avait certaines scènes, c'était vachement plus mal joué. Ça tombait vachement plus à plat que dans le 2 en fait. Il y a même des vannes parfois qui sont vraiment c'est au-delà du série B, de la série B. Parfois c'est hyper lourdingue. Bon après là c'est tout à fait personnel, mais j'aime pas la nouvelle tronche de Jill. Bon ça après c'est personnel parce que... Alors c'est censé... elle est censée être basée sur un mannequin dont j'ai oublié le nom. Mais moi j'ai eu l'impression d'avoir joué avec Mila Jovovich pendant tout le... Et je trouve qu'il y a des airs à Mila Jovovich. Elle m'a beaucoup perturbé. et moi je suis attaché à la Jill un peu à l'ancienne quoi. Mais bon, non, ça va trop vite. Le boss de fin, c'est une purge pas possible. J'ai vu la vidéo de Hato quand il a voulu le faire en super difficile, mais c'était une horreur quoi. Ah ouais, non, mais faut être maso là, ouais, non, c'est chaud. Hein. C'est une fois qu'il t'a touché, ça y est, tu peux poser la manette, c'est fini, il va t'enchaîner, tu peux rien faire. Super. C'est chaud. Moi j'avoue, parfois je suis comme j'étais un peu claqué le soir quand j'y jouais, je passais un peu en mode facile, je revenais en mode normal, enfin je faisais un peu les deux. Mais, ah même, alors je sais pas si vous avez trouvé ça aussi. C'est pas grave, c'est la dernière de la saison, on fait dans le désordre. Ouais. Mais les chiens, j'ai l'impression qu'ils étaient mille fois plus pourris que dans Hero 2 Remake. Alors est-ce que c'est juste une impression? Je trouvais que les animes elles étaient pourraves, je trouvais qu'ils étaient pas crédibles alors que ils auraient pu reprendre ceux du 2. Alors après c'est peut-être... J'embellis peut-être les souvenirs c'est peut-être du remake. C'est peut-être à cause des chiens de Last of Us, du coup. Ah, peut-être, je sais pas. Ah ouais, parce que non, putain, mais même... Last of Us, ça n'a rien à voir. Même les animes de base, quand il y a la grosse tête qui tombe et qui roule, c'est ridicule, quoi. La tête, tu la vois qui avance et elle tourne un peu sur elle-même. Enfin, c'est même pas crédible à aucun moment, quoi. C'est ridicule, je trouve. Moi, je pense que The Last of Us Part 2, mais tellement... C'est déjà... Enfin, tu vois, c'est un jeu next-gen, quoi, par rapport à ce qu'on a vu hier sur Microsoft. Désolé de troller encore là-dessus, mais... Ça a mis tellement la barre haut, on n'a jamais vu des animations comme ça, des émotions transparentes comme ça dans les personnages. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que RE3 m'a paru plus cheap? Je sais pas, j'avais l'impression que dans Hero 2 Remake, il y avait plein de choses qui étaient quand même mieux faites. Donc toi qui les enchaînais, Mopral, je sais pas si tu confirmes du coup. Clairement, il y a une différence flagrante. Le 2, je pourrais le refaire avec plaisir, le 3, je même pas j'y retouche. Hein. Vraiment, je n'ai pas aimé du tout. Et surtout, il y a une trahison, comme vous le disiez, c'est la menace du Némésis, qui était l'argument déjà à l'époque du jeu original sur PlayStation. Tu flippes mille fois plus avec Mister X, comme tu disais, machin truc, dans Hero 2 Remake. Puisque déjà, il est là tout le temps. Là, Mister X, dans Hero 3, t'as l'impression qu'il vient de faire 3 bécos, puis après, c'est déjà un gros monstre. Voilà, ça, on n'est plus dans ce délire-là. Et en tout cas, bref, j'étais un petit peu déçu. Finalement, heureusement qu'il y court. Tu vois, franchement, 10 heures comme ça, ça m'aurait gonflé. C'est triste quand même. Et je suis fan de Resident Evil, moi, à la base. Alors, je garde quand même des bons moments quand même dans les rues de Raccoon, parce que visuellement, les décors sont toujours aussi beaux. J'ai beaucoup aimé les décors dans l'hôpital. Voilà, j'ai bien aimé certaines petites scènes, puisqu'il faut savoir qu'ils se déroulent avant et après Hero 2. Donc, sur les scènes qui se passent avant Hero 2, et là, en l'occurrence, Hero 2 Remake, de voir certains flics, certains personnages avant, tout ça, c'est intéressant. En fait, la meilleure partie du jeu, je sais pas si vous êtes d'accord, c'est le début. C'est ce que j'allais dire, c'est l'intro. J'ai adoré le début. Tu fonces dessus avec ta bagnole. Le début est génial. En vue FPS, là, avec... Alors, le côté où tu la vois un petit peu bizarroïde, ça, ils avaient niqué ça dans le trailer, on l'avait vu, donc bon, ça, c'est dommage. Mais toute cette partie où elle est dans son appart, et puis voilà, comme tu dis, machin truc, dans sa bagnole après tout ça, je dis, putain, ça commence vachement fort, quoi, c'est chouette, quoi. Bon, puis après, ça fait un peu cheat. Donc voilà, quoi. Dites-moi, mes amis, je vous ai même pas présenté. SR4, tu l'as fait, non, Street of? De quoi? Street of Rage, tu l'as il fait. Il a même fait une vidéo dessus. Et j'ai fait une vidéo. Ah oui, c'est vrai. Ou tu rentres dans la bande d'arcade sans faire exprès. Ou avec Natasha. Oui, et j'ai eu la chance d'avoir un code pour pouvoir y jouer. Oh, c'était bien presque une semaine en avance, je sais plus, enfin quelques jours en avance. Donc c'était vraiment. C'était top. Ah oui, mais j'ai adoré. Mais il m'a fallu du temps pour Street 4, c'est qu'au début. Il faut prendre en compte que tu peux plus y aller à la bourrin comme avant. Il est. C'est ce qui fait sa qualité aussi, il est quand même... Il est plus technique que je le pensais, en fait. Tu as écouté le podcast qu'on a fait avec Jordi Asensio sur Sega Legacy? Non, pas encore, malheureusement, non. Ah bah justement, on en revient dessus, puis c'est pareil, on était qu'à chaque question, etc. Donc, Vous avez aimé, non, globalement ou... Ah bah non, on a kiffé, en fait, c'est ce qu'on explique, moi c'est ce que je dis, déjà, bah, j'ai dit grand bravo quand même, je dis parce qu'au bout de 28 ans, que ce soit une bête française qui le sorte, franchement, on n'y croyait pas. Donc il y a de ça aussi, puis c'est pareil, moi j'avais beaucoup de mal au départ graphiquement, mais dès que tu joues au bout de 30 secondes, ton a priori. Dès que ça bouge, c'est top. Et ouais. C'est parti, quoi. Et tu te balances à bras le corps. Et il nous l'a dit, hein, c'est nettement plus technique. Et on avait posé la question aussi, notamment s'il y avait des choses qu'ils avaient annulées, comme des systèmes de garde, etc. En fait, il nous expliquait, bah, là, comme dans les jeux originaux, hein, c'est un jeu de placement. Où quand tu esquives les coups ou les parades, entre guillemets, c'est, tu te déplaces légèrement en diagonale sur l'écran. Puis on a parlé aussi un petit peu des systèmes de programmation, comment les galcier au couteau bouge, etc. Non, on s'est bien marré pendant 2 heures. Oh, puis bah écoute, faut vraiment que j'écoute ça. J'ai plein de podcasts à rattraper, mais moi en tout cas j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et même la musique au début, où c'est vrai qu'on a tellement surtout les deux premiers, qu'on a tellement les musiques de Yuzo Koshiro en tête tout le temps. C'est tellement devenu des classiques. Au début, j'étais un petit peu sur la réserve, et à force de l'écouter, la bande son, en fait, elle est super stylée, et surtout elle évolue selon la situation. Et en termes de sound design, il y a eu un boulot, on s'en rend pas compte lors des premières minutes de jeu, mais gros boulot là-dessus aussi. Puis j'adore comment ils ont refait les persos, que ce soit Adam, Blaise ou Axel, et puis les nouveaux, franchement c'est... C'est énorme ce qu'ils ont fait, c'est assez énorme. Moi j'ai vraiment adoré. Hein. Vous avez écouté le. Comment. Le. Mince, ce podcast. Au bas gauche-droite. ZQSD maintenant. Voilà. Qui justement était pas très tendre avec le jeu. J'ai été un peu surprise. Ouais, bah, je pense qu'il y a une proposition. Le gameplay est plus technique. Visuellement, il faut passer. C'est un style qui est complètement différent. Donc c'est peut-être ça. Et en après, fait, ce qu'ils avaient critiqué, c'était surtout que, a priori, c'était plus la suite du 2 que la suite du 3. Parce que, notamment, les personnages avaient perdu une palette de mouvements. En fait. C'est totalement. Bah, je suppose que vous en avez parlé, machin truc, mais c'est totalement assumé. Les devs assument totalement que c'est une suite du 2, bah, juste parce que c'est le plus populaire, que le 3 divise beaucoup. Et oui, dans le 3, t'avais beaucoup de coups. Enfin. T'avais des comment tu pouvais courir, tu pouvais faire des petits déplacements assez rapides de manière verticale, si je dis pas de bêtises. Et ça c'est pas dans le 4. En fait c'est une suite du 2, quoi. Et ça vraiment ils s'en cachent pas. Non, je pense peut-être le seul petit défaut, et encore c'est vraiment pour chercher la petite bête, c'est peut-être le level design qui est un petit peu trop scolaire. Il y a certains niveaux qui partent un petit peu plus dans des trucs un peu plus foufou. Et c'est top. Après, c'est peut-être un petit peu trop scolaire, mais bon, là, c'est vraiment pour... Mais les personnages sont top. Et j'adore ce boss. Alors, j'ai encore oublié son nom. L'agent de police féminin, là... Ah, comment elle s'appelle ? Estelle. Elle est géniale. Elle déchire. Il faut que ça soit un personnage jouable, quoi. Il n'y a pas moyen. Ah, mais c'est clair. C'est clair, elle déchire, quoi. Non, mais en tout cas, moi j'ai adoré, hein. Vraiment. T'as le commissaire Gordon aussi, je trouve qu'il y a quand même la classe. Pas un petit vieillard, quand il t'envoie valser, c'est un truc de dingue. Tu es à son âge, j'aimerais bien te gauler pareil. Ah ouais, tu m'étonnes, ouais, c'est clair. Non, mais il est vraiment excellent, quoi. Les amis, ce que je disais, c'est que j'ai oublié de vous présenter. C'est la dernière de la saison. En plus, ça fait plusieurs mois, on a du retard, comme d'habitude. Mais c'est un petit peu en mode en mode méga maxi détente, mais je vais quand même vous présenter quand même. Donc est avec nous ce soir, vous êtes bien dans la grande revue de presse JV. Bonsoir, bienvenue. On est où, on fait quoi? Bon, au revoir. Bienvenue. Oui, on fait la fin maintenant, puis on fera le début. Voilà, je vous propose de faire la FK maintenant, puis après on y va. Voilà, alors je recommande un superbe comics. Non mais c'est bien, c'est top, c'est... Allez, on explose un peu tout ce soir, ça change un petit peu. La grande revue de presse JV, la version XXL de la revue de presse JV. Des tipeurs sont avec moi ce soir. Bonsoir Lina Nounette. Salut, salut. Est avec moi Machin Truc 76, que je n'ai pas oublié, j'y tiens. Bonsoir Machin Truc. Bonsoir tout le monde, content de vous retrouver, ça faisait un petit moment que j'étais pas venu. Eh ben, très heureux, c'est un plaisir partagé. Et le maître des clés, Mopral, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir maître, comment allez-vous? Ça va bien mon élève. le maître des clés, le maître du Discord. Oh, désormais, hein, ça va. Alors, à la base, vous avez vu, on a commencé la discussion. Mais c'est très bien. Moi, je trouve qu'il faut casser un peu les codes parfois. Bonjour, bienvenue, machin. Eh ben, c'est bien. Ça commence avec une discussion. Voilà. Vous demandez, vous avez atterri très certainement. Je sais pas, vous posez des questions. Eh ben, vous êtes en bonne compagnie. On est ici entre nous, tranquillement. Le thème de la soirée est censé être les expériences narratives qui nous ont marquées dans le jeu vidéo, bien sûr. Et donc, on va voir. On a commencé déjà tout un tas de discussions. On va voir où on va aller. On va essayer de tenir ce cap-là, mais bon. Qui sait ce qui peut arriver ce soir ? Petite précision aussi, tant qu'à faire, on risque de beaucoup spoiler. Donc faites attention sur les quelques jeux récents ou autres, c'est pas impossible qu'on spoil des gros trucs, donc soyez préparés à l'avance. Voilà, alors on va essayer de faire ça de manière un petit peu ordonnée, on va essayer. Hein. Mais oui, si vous entendez un titre arriver là dans le débat que vous avez envie de faire, bon, là on vous conseille peut-être de zapper. Effectivement, puisque ça va spoiler. Bon, ah, on va pas essayer de... Tu viens de raconter la fin de The Last of Us 2, là, t'abuses. Ah bah merde. Si vous êtes un enfant des années 80, vous savez que c'est toujours Shaolin le meurtrier. Ça, je vous apprends rien du tout là-dessus. Non mais ça a changé depuis, hein. Ah, les mystères de Pékin, ça a changé ? Ce n'est plus Shaolin le meurtrier ? Ah bah on n'a plus le droit maintenant, ça doit être Robert Franchou, parce que sinon c'est un peu raciste, quoi. Ah, ça, bon, en même temps, mystère à Pékin, ça se passe pas à Vesoul, tu vois ? Donc, c'est pas faux. C'est Jean-Robert le meurtrier. Mystère à Vesoul, ce serait pas mal, remarque. Mais oui. Meurtre à Vesoul, meurtre à Montargis. En plus, c'est bien, tu fais MM pour le hashtag, c'est parfait. Meurtre à Melun. En plus, ça rime bien, c'est impeccable. Ah, ça, meurtre à Melun, ouais, c'est pas mal. Bon, ça, je trouve que ça fait un peu téléfilm, mais ouais, pourquoi pas. Bah, en parlant de hashtag, transition trouvée, n'est-ce pas ? Puisque je vous ai posé la question, là, actuellement, on enregistre, donc il est vendredi, là, au moment où je vous parle, 21h24. Alors, vendredi 24 juillet, je précise, le temps que je monte l'épisode, on sera peut-être en août, hein, on verra bien. J'espère quand même que ce sera dispo avant le 27 août. Mais ceci dit, je vous ai posé la question voilà, sur Twitter. Si vous avez des expériences narratives marquantes, voilà, vous voulez partager ça avec nous. On essaiera de citer vos réactions dans l'émission. Bon, on était sur Street of... Alors, on a fait Resident Evil 3. On s'est moqué un peu de la conf Xbox avant. On a fait du RE3 Remake aussi. Bah voilà, on a fini. C'est bon. Ouais. Donc je pense que on c'est pas bouclé, mal. Je pense, ouais. Voilà. On est à 25 minutes d'émission, c'est pas mal. Ouais, c'est bon, allez, j'ai un autre podcast à faire, donc moi je vais y aller. Hein. Ah ouais, c'est moi, tu es une star maintenant. Ah t'es bah, un peu partout, que veux-tu, hein, sur tous les Discord maintenant. Bon, Pral, t'as un recours jeu de société, s'il te plaît. Ah oui, Taco, Chat, Bookshop. Mystère de... Ah non, c'est la mienne, celle-là. Ah pardon, moi j'en trouve une autre d'ici là. C'est pas les Mystères de Pékin, t'as recours. Ah mais si, voilà, c'est ça. Les Mystères de Melun. Mystères de Melun. Tu nous diras, on peut le trouver. Hein. Ouais, je pense. On dirait un nom de biscuit apéro quand même. Cracker Melun. Je regarde le Twitter. Il y a au moins une réaction que j'ai vue de Mikachu qui me plaît bien, parce que c'est un jeu que j'avais oublié, effectivement. Alors, Mikachu, qu'on salue, je profite de cette fin de saison. Mikachu qui est un amour, vraiment, on dirait Hanouna quand je parle comme ça, merde. En tout cas, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, parce que dès que, vraiment, c'est le serial retweeter, c'est vrai qu'il retweet tout ce que je poste sur la vue de Prajivé, c'est vraiment un amour. Donc Mika, on te salue chaleureusement, c'est vraiment un fidèle de chez Fidèle depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit donc sur les expériences narratives, il nous dit « Je ne sais pas si ça compte comme un jeu narratif, mais j'avais adoré » Virtue's Last Reward sur DS. Alors ça, c'est le jeu point and click qui fait partie d'une trilogie, si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça, ouais. Ouais, c'est ça. Très bien. Ok, moi j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Je sais que c'est un jeu qui est assez coté en général. Ah, il est excellent. Les trois épisodes sont très très très bons. Je les ai dévorés. C'est vraiment un gros plaisir de les faire. Et ça, c'est vraiment un truc, si vous êtes pas trop allergique au visual novel, foncez dessus. C'est, alors, le premier, c'est 777 999. Il n'y a pas Hotel Dusk, Hotel Dusk aussi, non ? Non, pas Hotel Dusk. Non, c'est pas... Ah, ça n'a rien à voir, ouais. Pardon. Alors, je confonds avec une autre... Tu veux présenter, Lina, ou je le fais, comme tu veux ? Non, vas-y. Alors, je vais essayer de me les rappeler à peu près, parce que je fais ça de mémoire. Globalement, c'est une série, ça s'appelle les Zero Escape, parce que le méchant, plus ou moins, qu'on rencontre, il s'appelle Zero. Et donc, c'est en trois épisodes, un sur DS et les deux autres sur 3DS, même si je crois que ça a été porté sur Vita et PC, bon bref. Le premier, c'est 999, donc 9 hours, 9 persons, 9 doors. Le deuxième, c'est Virtue Last Reward, je crois. Et le troisième, je ne sais plus, comme ça j'ai un trou. Zero Time Dilemma. Ah, exactement, merci, Zero Time Dilemma. Et globalement, l'idée, c'est un mix un peu de visual novel et d'escape room, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs personnages qui vont parler, voilà, le principe d'un visual novel classique. Et à plusieurs moments, il va y avoir des choix à faire. Donc, il va orienter l'histoire dans un sens ou dans l'autre. Et des scènes où c'est une escape room, donc il faut trouver un objet, l'utiliser sur autre chose. Voilà, je prends le tournevis, avec ça, je démonte l'armoire, je récupère un objet, je récupère une clé, je peux ouvrir autre chose, et ainsi de suite pour s'échapper. Et c'est des jeux hyper narratifs qui sont tous les trois liés les uns aux autres. C'est-à-dire que si on en fait un, vaut mieux tous les faire parce qu'ils sont vraiment extrêmement liés. Et il y a plein de petits concepts un peu méta, un peu philosophiques, il y a du chat de Schrödinger, etc. Je spoil pas trop parce que vraiment ça vaut le coup de les faire, mais il y a un peu de voyage dans le temps, les personnages se croisent, etc. Et c'est une très très bonne série, moi que j'ai vraiment dévoré, je l'avais trouvé sur DS, alors je vous préviens, il est un peu compliqué à trouver sur DS, mais je crois qu'il est sorti sur PC, donc vous pouvez le faire. Et on s'attache aux personnages, on découvre leur histoire, on sait pourquoi ils ont fait ça, enfin... C'est un truc qui s'entrecroise et je crois que chaque jeu dure à peu près entre 30 et 40 heures. C'est un peu long parce que c'est un visual novel, mais il n'y en a aucun qui est acheté vraiment. Et le dernier qui est sorti il n'y a pas si longtemps, c'est une conclusion magistrale. On recroise des persos qu'on a connus. Enfin, vraiment, je le recommande chaudement si vous n'êtes pas trop allergique au visual novel. Ok, merci pour ce résumé. Français ou pas? Ah, alors c'est une bonne question. Non, c'est de l'anglais. C'est de l'anglais. C'est ce qu'il me semble. Surtout le premier, en fait, il n'est jamais sorti chez nous. Il est sorti que au Japon et aux US. Moi, c'est une version américaine que j'ai sur ma 3DS. Et donc, après les autres, je t'avoue que je ne me rappelle pas. Mais le premier, c'est sûr qu'il n'y a pas de VF. Après, c'est pas de l'anglais trop, trop complexe. Il faut quand même être un minimum à l'aise. Hein, mais c'est pas non plus des grosses tournures de phrases ou autres. Ça reste assez simple. C'est des petits dialogues à chaque fois. Il n'y a pas de gros pavés. Donc, ça reste faisable en anglais. Mais oui, il y a quand même ce cap à passer, quoi. Ok, merci pour ce résumé. Sachant que je crois qu'il y a une compile qui est sortie aussi sur PS4 et PS Vita, alors peut-être qu'il y aurait plus une chance d'avoir la VF parce qu'elle était sortie chez nous en fait. Je sais pas si tu te souviens, Mopral. Mais... Si, ça me dit quelque chose, mais je t'avoue que là, comme ça, je me souviens plus non plus, vu que j'avais déjà fait les autres épisodes. Je les connaissais déjà, mais je crois que c'est le Nonary Game ou quelque chose comme ça parce que c'est le nom des jeux qui. Qu'on affronte dans les épisodes, c'est Nonary quelque chose il me semble, mais après voilà, si vous cherchez 999 ou Zero Time Dilemma ou Virtue Last Reward, normalement vous devrez assez vite retomber là-dessus quoi, sur la compile. Ok, oui, peut-être que sur les portages on a peut-être droit à des petites traductions. Ce serait pas impossible vu que c'est sorti sur PC, il y a peut-être des gens qui ont fait un mode exprès pour avoir la traduction française. Ouais. Ok, je vois effectivement ce que c'est. Je sais pas pourquoi j'étais parti sur Hotel Dusk au début. Je sais pas. Alors que ça n'a rien à voir. J'ai un message de Siwidiju qu'on salue, qui devait être avec nous ce soir, mais qui n'a pas pu. Qui nous fait des gros bisous. Et on le salue également. Il nous dit... je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est Life is Strange 1 et 2 que j'ai fait avec ma femme. Mon fils le fait tout seul, avec moi à proximité, pour parler des thèmes abordés, harcèlement, drogue, suicide... La direction artistique, le scénario et la musique, je conseille fortement. C'est vrai qu'on en avait parlé dans l'émission. Alors, j'ai pas fait le 2 pour le coup, mais c'est vrai que le 1, ça reste un de mes coups de cœur là-dessus. C'est vraiment... Enfin, tu t'accroches vraiment au personnage, quoi. C'est... Alors, Mopral, je sais pas si ça le fait qu'à moi, mais quand tu parles dans le micro, j'ai l'impression que t'es dans une cour d'école. Ouais, exactement, j'allais le dire. C'est peut-être le son de la télé à côté. Qui est un peu fort. Je vais essayer de voir. Non, bon, au pire, c'est pas. Si Noka regarde la télé, c'est pas grave, la dérange pas. C'est pas grave. Je savais pas si c'était un problème de micro en fait. Ou... Non, c'est la télé, je pense, parce que le micro est hyper sensible. Demande-lui d'aller lire un livre. Ouais, je lui ai demandé de monter une chaise, tiens, ça l'occupera. Mon dieu. Non, mais ça doit être la télé, le micro il est hyper sensible et je suis pas encore à l'aise avec, donc je vais peut-être baisser un petit peu mon micro et puis ça devrait aller. Sinon, il doit y avoir Colombo sur la TNT, sur la 10, c'est nettement plus calme aussi. Ah oui, c'est pas faux ça, mais elle risque de s'endormir devant la télé. Ouais, mais tu t'en fous, tu sais qui est le meurtrier au départ. Oui, c'est pas faux. Contrairement à Life is Strange où tu ne sais pas tout au début. Voilà, j'essaie de rebondir un petit peu. Moi, comme je l'avais dit dans l'émission quand on en avait parlé à l'époque, c'est vrai que je l'ai recommencé plusieurs fois et c'est le côté un peu teenage movie qui moi m'a sorti à chaque fois de Life is Strange, même si je reconnais ses qualités. Et le 2 qui apparemment est extraordinaire, je l'ai pas essayé encore. Donc je ne saurais pas vous dire me concernant. Bah, moi, je ne sais pas fait non plus. Moi, c'est typiquement un jeu que je dois faire, mais que par manque de temps, malheureusement, j'ai pas le temps de le faire. Il est sur ma to-do list. J'ai essayé de le faire. Non. Il dure pas si longtemps que ça, en plus. Hein. Il me semble qu'une vingtaine d'heures à peu près, c'est fait, je crois. 25 heures à peu près. Bah, c'est surtout qu'il est par épisode, donc en fait, tu peux quand même fractionner. Mais moi, un peu comme Bruno, mais j'ai pas trop insisté. Faute de temps, en fait. Je l'ai lancé plusieurs fois et j'ai pas vraiment passé l'intro, donc il faudrait que je m'y remette. Et ce genre de jeu, en fait, le problème, c'est que en termes de rythme, j'ai souvent du mal à accrocher au début. Il y a une sorte de lenteur, etc., où tu explores l'environnement. Et bon, j'ai plutôt un peu de mal, même si je nie pas du tout les qualités qu'il doit avoir. Ah, si jamais vous voulez tester, on va dire, le jeu, je vous conseille, je crois que c'est la fin de l'épisode 3 de mémoire, où il y a vraiment un truc très très fort, vraiment, même moi j'ai eu un petit peu ma petite larme. Si vous, on va dire, vous essayez d'aller au moins jusqu'à là, ça doit être une dizaine d'heures, je pense 5 à 10 heures, et vous voyez vraiment si vous accrochez à ce moment-là, si ça vous a fait quelque chose, et sinon, bon, je pense que ça vaut pas la peine d'insister, surtout que la fin elle est un peu critiquable pour certains. Moi j'ai pas trop mal aimé, mais il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé. Mais au moins essayez, voilà, vers la fin de l'épisode 3, je pense que si vous le faites, vous comprendrez de quoi je veux parler. Essayez d'aller par là et voir si ça peut vous plaire. Ça vous prendra, ouais, une dizaine d'heures, donc je pense que ça reste faisable, quoi. Ouais, mais c'est comme le thème qu'on parlait, t'as toujours une mise à situation à faire, donc c'est normal que les 5 ou 6 premières heures soient un petit peu longues à mettre en place. Je pense que ça fait partie aussi du titre. Bah, vous savez, ce que je vous propose, c'est qu'on continue sur cette thématique qui est censée être celle de l'émission, en commençant déjà par la dernière en date expérience, donc narrative en termes de jeux vidéo, qui vous est vraiment marqué. Lina Nounette, ce serait quoi pour toi, la dernière en date? Moi, il n'y a pas de doute, c'est Last of Us 2. Voilà, on est d'accord. c'est la dernière temporellement, en fait, déjà, et puis ouais. C'est une grosse expérience d'un point de vue narratif, quoi. Enfin, j'ai joué à d'autres excellents jeux, mais fait comme ça, c'est quand même le premier, et il est quand même de très bonne qualité, même s'il y a des choses critiquables. Est-ce qu'on balance la balise spoil rapidement, ou parce que pour moi, il y a son tour de force narratif, il tient sur plein de choses, mais pour moi, sur un pilier essentiellement. Donc du coup, je vais vous conseiller de quitter, voilà, cette écoute, si vraiment vous ne voulez pas vous faire spoiler sur The Last of Us Part 2, parce que le jeu est assez long et vous ne l'avez pas encore peut-être terminé, vous ne l'avez peut-être même pas encore fait. Donc voilà. Toi, Lina, qu'est-ce qui t'a... Alors, sans rentrer dans les gros détails, mais globalement, en termes narratifs, qu'est-ce qui t'a marqué dans The Last of Us Part 2? En fait, moi, ce que je trouve super intéressant dans Last of Us Part 2, c'est que c'est vraiment... j'enfonce un peu une porte ouverte, mais... C'est la suite du 1, mais dans ce sens où, en fait, ça aurait pu être un seul et même jeu de 60 heures, en fait. Parce que c'est vraiment une suite, une réponse aux conséquences de ce qui se passe, les conséquences de ce qui se passe dans le 1. Et puis, je trouve que les personnages sont très bien écrits, en ce sens où, très bien écrits. Disons que si on est amateur d'autres médiums culturels comme les livres, les films et les séries, effectivement, on peut se dire, oui, bon, c'est pas si bien écrit que ça. Sauf que des personnages nuancés des deux côtés. Dans le jeu vidéo, c'est pas si souvent. Le jeu vidéo, il est plutôt dans un style manichéen, et les méchants sont méchants parce qu'ils sont méchants, et les gentils sont gentils parce que c'est les héros, en fait. Je caricature, mais d'un point de vue, en termes de nuances, je trouve que c'est là des vrais tours de force de Last of Us 2. Ça, plus le fait que, en fait, Ellie, à laquelle on s'est attaché pendant le 1, elle est parfois insupportable pendant le 2, et elle devient un peu l'antagoniste, quoi. C'est exactement ce que j'ai ressenti, moi. Alors, par contre, en termes d'écriture, même par rapport à d'autres médias, après, bon, on a tous un point de vue différent là-dessus. Moi, je trouve que c'est vraiment très très bien écrit. Moi, c'est vrai que c'est des personnages qui m'ont bouleversé. Et le tour de force, l'un des tours de force, pour moi, il y en a beaucoup, mais on fait pas une spéciale de Last of Us Part 2. Comme tu dis déjà, c'est vraiment dans la... Ils se sont servis de cette fin du 1 qui a été un peu sacralisée, en fait. Ils s'en sont servis comme point de départ. Et donc, comme tu dis, les conséquences de cette décision de Joël à la fin du 1, c'est ça vraiment qui fait basculer toute l'histoire du 2, qui pour moi est clairement mais très au-dessus du premier, à tous les niveaux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, Ellie, pendant le 1... qui là vraiment est une victime et on s'attache parce que c'est une enfant qui doit grandir bien trop vite, qui a connu des horreurs, qui connaît des horreurs, on l'accompagne, enfin bref, on s'attache énormément. Et c'est vrai que dans le 2, elle est détestable par certains côtés. Et donc il se passe, en fait, il y a vraiment deux versants dans The Last of Us Part 2. Donc il y a l'aventure d'Ellie et il y a l'aventure d'Abby, Abby qui est la méchante. Abby qui, quand on la voit pour la première fois, rarement on déteste un personnage comme ça dans un jeu vidéo. On a envie de la tuer tout de suite. Et on l'incarne à un moment précis du scénario. Donc vous voyez, c'est du demi-spoil quand même. Et en fait, toute la seconde partie du jeu, on vit donc toute l'aventure côté donc Abby qui est censée être l'antagoniste du jeu. Et au fil du jeu, on prend en fait écho pour elle. Et moi, c'est l'un des personnages qui m'a le plus marqué de tous médias confondus. Enfin, c'est un personnage qui m'a extrêmement marqué. Et je trouve que c'est un tour de force admirable parce que vraiment, on commence à prendre fait écho pour elle. Et il y a des affrontements dans le jeu où on n'a pas envie qu'elle meure. En même temps, ça fait quand même chier de tuer Ellie, parce que même si on lui en veut pour pas mal de choses, bon, ça reste comme l'héroïne du 1. C'est un jeu qui vous met face à des sentiments contradictoires en permanence, et c'est assez troublant, quoi. Il y a des scènes vraiment, moi, qui m'ont gravé voilà, au fer rouge. Et moi qui a tendance à dire, oui, moi je préfère quand les jeux sont pas trop longs, parce que bah, comme vous tous, j'ai le temps d'y jouer que le soir, je suis claqué. The Last of Us Part 2 est très long, même si on traîne pas trop, faut compter allez, une petite trentaine d'heures pour le boucler. J'ai fait deux runs d'affilée, vraiment, mais sans réfléchir, parce que, et je peux même dire que mon deuxième run a été encore meilleur au niveau sensation que le premier. Moi je suis un petit peu plus nuancé que toi là-dessus. Moi je l'ai trouvé un peu longué, notamment, en fait, le problème c'est que le gameplay est pas à la hauteur de la narration, en fait. Donc en fait... Ah, tu trouves, toi? Parce que moi, vraiment, je l'ai trouvé hyper modernisé, quoi. Ah non, mais attends, je l'ai trouvé modernisé par rapport au 1, mais le 1 était quand même un petit peu archaïque par rapport à ce qui se faisait à l'époque, enfin, dans la façon de jouer. Le 2 est meilleur que le 1, mais il n'en demeure pas moins que, à mon sens, le gameplay n'est pas à la hauteur de la narration. C'est-à-dire que tu ouvres 60 000 tiroirs, etc. Il y a plein de trucs intéressants. Moi, j'adore l'univers de Last of Us. J'aime beaucoup la sensation urbex de l'exploration de la ville. Ça, je trouve ça génial. Après, si tu veux, il y a des allers-retours à l'aquarium, donc qui est un endroit dans la ville, qui sont un petit peu inutiles. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout quand t'as que Abby, quand t'es que avec Abby toute seule. Là c'est pas des moments qui vont vraiment faire avancer l'intrigue, mais c'est pas tout le temps, mais je pense que le jeu aurait pu être plus court. Après, ce que je trouve hyper intéressant aussi dans le jeu, c'est que Abby est plus âgée qu'Ellie, en fait, et en fait Abby, dans son chemin entre guillemets de vie, sur sa vengeance, sur sa rédemption en quelque sorte, elle est en avance sur Ellie, en fait. C'est aussi ça qui fait qu'elle est plus attachante qu'Ellie à une partie du jeu, parce que Ellie est dans une spirale descendante quand Abby est dans une spirale ascendante. Donc forcément, ça la rend par contraste, ça la rend plus attachante qu'Ellie. Ah mais carrément, de toute façon, moi, pour moi, le personnage qui m'a le plus touché dans ce jeu, c'est Abby. Pour revenir rapidement sur gameplay, c'est vrai que c'est des critiques qu'on entendait à l'époque. Moi, enfin, bizarrement, alors peut-être que j'ai une grande souplesse là-dessus, je sais pas, ou je suis peut-être bon public, mais c'est vrai que même le gameplay qu'on dit archaïque du premier, moi, je trouvais que c'était assez souple. L'école Naughty Dog, d'une manière générale, même si le premier The Last of Us est moins bondissant qu'Uncharted, quand même, mais... vu qu'on peut même pas faire de saut de toute façon dans le premier, si je dis pas de bêtises. Moi, ça, bon, j'ai toujours trouvé ça, voilà, vraiment tout à fait honnête. Dans le 2, j'ai vraiment encore plus exploré le système de combat. J'ai vraiment kiffé faire pas mal de choses. Alors après, il y a le côté, en fait, je pense que si tu la joues pas totalement roleplay dans le 2, il y a tellement de choses à prendre tout le temps, partout dans les décors, qu'effectivement ça peut... Je peux comprendre que ça puisse gêner certaines personnes en disant bon là j'ai tout ça à explorer, parce qu'ils ont vraiment ouvert, hein, ils ont poussé les murs, il y a des grandes zones qu'on peut explorer, et on a envie d'y aller parce que les décors racontent une histoire. C'est vrai que les décors sont vraiment... appliquent une couche narrative eux-mêmes, quoi. C'est assez impressionnant là-dessus. Mais je peux comprendre sur le fait que tu dises qu'ils auraient pu couper certains allers-retours, ça aussi, je suis d'accord avec toi. Bon, moi, personnellement, ça m'a pas gêné, mais je peux comprendre ça aussi. Moi, le seul moment où j'ai peut-être... je me suis dit, ah, c'est peut-être un peu trop long. Et puis après... Je me suis révisé vraiment les minutes qu'on suivit. C'est justement quand tu passes côté Abby, où t'as vraiment une scène à un moment donné dans le jeu, voilà, de l'affrontement entre Abby et Ellie, et tu veux savoir ce qui se passe. Et là, tac, tu comprends que tu bascules côté Abby, tu reviens en arrière, 3 jours en arrière, même plus que ça d'ailleurs, parce que ça commence par un flashback, si je dis pas de bêtises. Là, tu dis, attends, je veux avoir la suite de l'histoire, et tu vois que ça se prolonge. Et quand le caractère d'Abby se dévoile vraiment, quand tu commences à voir aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que tous ceux que tu as butés avec Ellie, certains tu dis, bon voilà, c'est des PNJ améliorés, je les ai butés. Tu vois leur vie après, quand tu passes côté Abby, tu vois leur quotidien, tu vois leur vie, tu vois leurs états d'âme. Et tout ça, ça donne, en termes justement, là on est en plein dedans d'expérience narrative, ça offre un point de vue, je trouve, qui est assez grandiose, et là t'as plus envie de quitter. Et là, bah, je m'étais dit bon, oui, je suis assez voilà, d'accord. Là j'ai envie de continuer en fait. Alice, c'est un déchirement. Alice, oui. Tu l'adores et tu te dis c'est pas possible, tu sais que c'est elle en fait. Il y a des personnages, des animaux, et tu te dis mais attends, ça c'est la personne ou c'est le chien que j'ai buté avec Ellie, alors que j'en avais rien à secouer, il m'attaquait, je me suis défendu, c'est normal. Et quand tu vois en fait qui y a derrière, c'est... Enfin, vraiment, je pense que, et on le voit bien au niveau des débats, bah, je trouve qu'un jeu, on voit son impact par rapport au débat qu'il y a derrière. Et c'est un jeu où il y a toujours des débats, les gens sont très très touchés par leur expérience. C'est vraiment un jeu, enfin moi, ça a été vraiment une de mes plus belles expériences de jeux vidéo, vraiment. Et à tel point qu'en sortir, c'est pas évident, parce que moi je l'enchaînais deux fois, et comme je te disais, justement le deuxième run, je l'ai encore plus apprécié, puisque... il y a beaucoup de personnages quand même. Là, quand tu sais vraiment qui est qui, tu remarques encore d'autres détails, tu remarques encore d'autres choses. Tu dis, tiens, mais ce chien, c'est celui que avec lequel j'avais joué à la baballe dans le camp, dans le stade. Tu vois qu'il se fait buter. Je sais même pas si c'est Abby qui le bute. Mes souvenirs s'embrouillent un peu, mais plein de détails comme ça que tu remarques que t'avais pas vu avant. Et voilà. Et puis cette fin qui. Enfin, c'est cette fin qui n'en finit pas, mais en même temps qui est. Voilà, qui est extraordinaire pour moi. Non, vraiment, ça a été une grosse claque à tous les niveaux. Je m'y attendais pas, en fait. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je trouve que Naughty Dog est arrivé à un point de maîtrise qui est assez vertigineux. Et ouais, ça va être très, très, très, très, très compliqué de les concurrencer sur leur plate-bande. Bah, sur le point de vue de la narration, effectivement, ils mettent la barre très haut. Après, tu peux les concurrencer sur d'autres points, par exemple sur le fun, sur ce genre de choses. Enfin, je veux dire, Last of Us, c'est pas un jeu que je qualifierais de fun. C'est hyper. Mais là aussi, il est intéressant. Là aussi, non, il est très intéressant. Moi, je trouve qu'il manque pas d'humour, en fait, notamment grâce à Lev, qui apporte quand même qui est un autre personnage du jeu, qui apporte quand même des petits. Moi, je trouve des petites pointes d'humour. Enfin, le duo Lev-Abby fonctionne vraiment bien. Ouais. Autre chose, quand même, on n'en parle pas, mais c'est quand même un jeu qui a comme personnages principaux deux personnages féminins forts, dont une lesbienne, et y a un troisième personnage qui est transgenre, sans que ça soit dit de front. Et tout est normal, et tout va bien, et moi, je trouve ça bien, quoi, aussi. Mais j'allais venir justement, c'est que ceux qui ont déjà fait Left Behind, donc qui était le petit stand-alone qui a suivi The Last of Us, où donc on est dans un flashback d'Ellie, c'est dans ce stand-alone qu'on comprend qu'elle est homosexuelle en fait. Et c'était une scène, je trouve, déjà à l'époque, je le criais partout, mais d'une justesse, vraiment d'une. Je sais pas, tout coulait de source, il n'y avait pas ce côté. Regardez, voyez, on est progressiste, vous voyez ce qu'on a mis, ou alors... non, enfin, ça coulait de source, c'était dans un naturel, vraiment, et c'était juste parfait. Il y a eu ce fameux trailer de The Last of Us Part 2, donc où elle, où il y a le baiser avec Dina lors de la fête, qui était, je trouve aussi, mais voilà, mais admirablement bien fait. C'est un jeu là-dessus qui a des messages, je trouve, très forts, très importants, sans, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, sans que la com tourne autour de ça en disant, vous avez vu comment. Non, c'est normal et c'est très bien que ce soit sans comme ça. Sans qu'on soit dans du militantisme en quelque sorte. Enfin, ouais. En tout cas, que ça apparaisse comme ça ou. Enfin, que ça apparaisse pas, si tu veux, avec un côté, on veut vendre notre côté progressiste, militantiste, tu vois, où vraiment on veut. Je sais pas si je l'exprime bien, tu vois, mais en faire un argument marketing, en fait, si tu veux. Ce qui pourrait, pour moi, limite desservir l'argument. Justement, là. Ce que j'adore en fait avec The Last of Us, c'est que c'est amené comme quelque chose, comme tu disais, c'est pas amené avec des grosses pincettes, c'est pas amené avec des gros sabots plutôt. Ça se fait naturellement, ça se fait. Et c'est à l'image, je pense, qu'on a de la vision, en tout cas nous ici, de la vie. C'est très bien, c'est parfait, c'est des personnages qu'on adore, ils ont leur vie. Et en même temps, ça traite quand même de ces problèmes, parce qu'il y a cette fameuse scène dans le. D'ailleurs, qui me déchire pour jouer à chaque fois, dans le bal, où effectivement, il y a de l'homophobie, il y a pas mal de choses, etc. Mais c'est traité de manière très. Enfin, c'est tout en justesse, je trouve que c'est très intelligemment amené. Et oui, on a deux personnages féminins très forts. Et Abby, on va revenir sur Abby, qui quand même. Est aux antipodes du personnage féminin sexualisé à mort. Elle est vraiment aux antipodes des codes habituels. Et c'est un personnage qui est tellement bouleversant. Enfin, ouais, enfin, je trouve que tout est fait avec... ça, j'avais pas doute là-dessus, parce que moi, j'aime beaucoup Naughty Dog, et je trouve que même sur des sujets, que ce soit des sujets sociétaux ou des sujets vraiment très importants, ont toujours su amener ça avec une certaine finesse, même parfois dans Uncharted, qui est un peu plus... Popcorn, bien sûr, que The Last of Us. C'est un duo, pour moi, c'est un duo qui est hyper marquant, quoi. Pour moi, qui va rester dans vraiment dans l'histoire. Et enfin, je sais pas, on pourra en parler des heures après, mais je trouve que c'est admirablement amené. Et alors, pour Lev, pour le fait qu'il soit transgenre, tu sais, ce qui est assez fou, c'est que quand j'ai fait mon premier run. J'ai fait tout le temps le jeu au casque le soir, etc. Mais parfois, je sais plus pourquoi, pour des raisons, peut-être parce que le téléphone sonnait, ou je sais pas, j'avais entendu un truc, ou quoi, ou mon fils m'appelait, je sais plus. Il y a 2-3 dialogues que j'avais pas. Il y a certaines scènes que j'avais pas entendues. Et le côté transgenre de Lev, lors de mon premier run, je l'avais pas totalement compris, en fait. C'est vraiment amené. Alors, tu me diras si je me trompe, Lina, mais c'est vraiment amené sur quelques séquences de dialogues. Ouais, sur 2-3 dialogues entre les. Voilà, entre bien les précis. Scars et un dialogue bien précis dans l'aquarium. Où là, je me suis dit, c'est pas possible. Soit j'ai loupé un truc, enfin, tu vois. Si tu l'entends pas, ouais, tu passes à côté. Exactement. Et moi, c'est lors du deuxième run que j'ai. Ah, mais je fais oui, bah voilà, là, tu comprends tout. Pourquoi il s'est rasé la tête, pourquoi. Pourquoi il est poursuivi, pourquoi tout ça, quoi. Voilà. Et mais je me dis, c'est fort, quoi. C'est fort parce que c'est quelques dialogues. C'est. Enfin, pour moi, voilà, ça transpire la finesse, quoi. Donc. Et le personnage gagne en épaisseur et le message est très fort aussi. Bon, je trouve que là-dessus, enfin, sur plein d'autres choses, ils sont, voilà, ils ont un niveau quand même qui est assez exceptionnel. Voilà, moi c'est vrai que quand j'aime quelque chose, je le fais pas à moitié. Moi, c'est vraiment un jeu qui m'a renversé complètement, qui te fait passer par tellement tout un panel d'émotions, de sentiments, de. Ça te remet en doute, ça te met toi face à ta morale aussi, parce qu'il faut le rappeler que c'est un jeu d'une violence quand même qui est, qui est quand même assez, c'est clair. Assez dingue, assez extrême. Et le message, c'est l'un des messages du jeu, parce que pour moi il y en a plusieurs, mais c'est cette escalade de la violence. Une vengeance n'est jamais totalement satisfaite. Tu ne fais que t'enfoncer, c'est ce que fait Ellie. Mais il y a des scènes qui sont vraiment, Même dès le début, hein, honnêtement, ça te prend un petit peu par surprise, quoi. Complètement. Et je dirais même au niveau de la sexualité, et je parle même pas là d'orientation sexuelle, mais comme on vient mais même de sexualité, il y a une scène que j'ai pas vu arriver. Et c'est là, tu te dis, la maîtrise et la maturité de Naughty Dog, c'est que, en général, ce genre de scène dans un jeu, c'est un peu, je trouve, décontextualisé du reste, et c'est genre, c'est abusé, qu'est-ce que. Là, c'est arrivé avec. Je sais pas, le jeu est tellement bien écrit, je trouve, tellement bien mis en scène, que Bah ouais, ok, on voit pas ce genre de scène tous les jours, mais dans le contexte, dans l'histoire, au moment où j'y jouais, ça m'a paru totalement crédible. Et ça m'a pas fait, tu vois, comme les scènes de douche dans Heavy Rain ou Beyond Two Souls, tu fais bon. Là, c'est naturel, c'est tu vis avec les personnages, tu ressens leurs émotions, c'est. Enfin voilà, donc. Moi, je le conseille vraiment vivement. Je pense que s'il y a autant de bruit autour de jeu, c'est pas pour rien. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment une de mes plus belles expériences, pardon, vraiment de joueur. Et là, je pars même au-delà du. Même du média jeu vidéo, quoi. Ça vraiment, c'est un jeu qui m'a profondément vraiment marqué, quoi. Et du coup, question subsidiaire, est-ce que tu aimerais avoir un 3? Moi, s'ils décident d'en faire un 3, je me mets pas à la place des concepteurs, de l'équipe. S'ils estiment qu'il y a un 3, je leur fais confiance. Puisque quand ils ont annoncé un 2, on en a entendu. Pourtant, moi, je suis très fan du premier déjà à la base. On en a entendu gueuler, ah mais c'est pas possible, pourquoi ma... Vu ce qu'ils nous ont fait, s'ils estiment qu'un jour, ils se sentent prêts pour un 3 et qu'il y a encore quelque chose à raconter, je leur fais pleinement confiance. Vraiment là-dessus, tu vois, je me dis, c'est pas à moi de décider, quoi. Si eux le veulent, s'ils sentent qu'ils ont des choses encore à raconter, moi j'accueillerai ça. Je suis vraiment pas fermé, quoi. S'il n'y a pas de suite, bah c'est pas grave, je garderai ce jeu vraiment dans mon cœur tout le temps. S'il y a une suite, et bah j'aurai super hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. J'aurais la peur d'être déçu, bien sûr, mais ça c'est leur décision, si tu veux, c'est pas la mienne. Donc moi là-dessus je suis open bar, y a pas de souci. D'accord. Moi en fait je serais pas forcément pour un 3, enfin au sens où pour un 3 en jeu vidéo, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je trouve qu'en fait la narration est excellente, le gameplay est plus limité, et donc en fait moi j'aurais envie d'avoir d'autres histoires dans cet univers, parce que je pense qu'il y a plein de choses à raconter et que c'est hyper intéressant, et qu'il y a encore plein de choses à raconter sur Abby, sur Lev, sur Ellie, etc., notamment après avoir vu la fin. Et je me dis que tu vois une suite en comics par exemple, ça m'irait très bien. Alors moi c'est vrai que je préférais faire ça en jeu, parce que je vais revenir sur Left Behind. Je m'étais dit à l'époque, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de plus? Et vraiment, si vous avez fait The Last of Us, le premier, et pas Left Behind, c'est vraiment une erreur. S'il apporte vraiment quelque chose. Donc, tu vois, si un petit stand-alone, tu vois, avec Abby et Lev, franchement, parce que c'est jamais gratos, en fait, de la part de Naughty Dog. Alors, là, certains vont croire que je parle en fanboy, c'est peut-être un peu le cas aussi, mais Left Behind, c'était pas un stand-alone gratos, quoi. Ça racontait vraiment quelque chose, on voyait des choses majeures dans l'enfance d'Ellie. Là, si t'as quelque chose d'aussi fort sur 5-6 heures pour le 2, mais je bondis dessus, je serais heureux. Alors par contre, faut savoir qu'il y a une série qui est en préparation. Je sais pas si t'avais suivi ça. Oui, j'avais vaguement vu, mais j'avais pas regardé un peu en détail. Voilà, c'est par le réalisateur de la série de Tchernobyl. On va retrouver le même compositeur, et ce sera Druckmann et toute la bande qui sera aux manettes, visiblement. Donc il y a une série télé qui se prépare et qui est... Enfin, si je dis pas de bêtises, elle est même officialisée. Ils sont dedans en ce moment. Voilà, donc ça pourrait être intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Mais voilà, de toute façon, je pense que s'il y a quelque chose... Déjà, il n'y a pas de DLC de prévu, ça, Neil Druckmann l'a dit. Un petit stand-alone l'année prochaine, moi je dirais pas non, tu vois, mais après c'est leur décision, quoi. Je pense que sur PS5, à mon avis, ils vont partir sur si on parlait de narration, bah on va peut-être laisser parler les messieurs après, parce que je parle beaucoup, mais même en termes, moi je suis beaucoup le travail de Naughty Dog en termes de narration, bah, surtout depuis le premier Uncharted. Moi je trouve que voilà, ils ont un boulot là-dessus qui est énorme, quoi. Le fait de fusionner les codes du JV avec celui du cinéma de manière intelligemment comme ça. Enfin, voilà, Uncharted, en termes narratifs aussi, j'aurais pu vous citer les quatre même. Hein. Alors, avec préférence sur le 2, bien sûr, comme beaucoup. Mais il y a des choses dans les quatre qui sont aussi assez fortes là-dessus, dans un autre registre, bien sûr. Mais alors je sais pas, voilà. J'ai hâte de voir, en tout cas en termes d'expérience ludonarrative, ce qu'ils vont nous faire sur PlayStation 5. Voilà, avec un gros spoiler encore, peut-être avec un personnage qu'on découvre à la toute fin de Uncharted 4, ça pourrait être sympa. Mais bon, voilà, j'en dirai pas plus. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Lina, non ? Avant qu'on passe la parole à... Non, je pense qu'on a bien résumé. C'était, pour moi, c'est vraiment une des expériences majeures sur la PS4, en tout cas. Sur cette année, sans aucun doute. Je pense que c'est vraiment un titre marquant. Après, je peux aussi comprendre les réfractaires. Je pense qu'il y a des gens... Après, Mopral pourra me contredire, mais il y a des gens qui sont plus de l'école du gameplay que de l'école de la narration, et c'est tout aussi respectable, et qui ont besoin d'avoir... où c'est vraiment le gameplay qui compte, et je pense que Naughty Dog est plutôt de l'école de la narration sur le gameplay, et je pense que du coup, ça peut occasionner certaines... ça peut ennuyer certaines personnes, et ce que je respecte, en fait, parce que... Mais tu vois, c'est un débat que je comprends pas, en fait, ça, parce que... Alors, c'est pas du tout le côté fanboy, parce que quand il y a quelque chose qui va pas, moi, je le dis, enfin, je suis assez sincère là-dessus. Moi, vraiment, je trouve très bien le gameplay de... Enfin, déjà, le premier, je trouvais très bien, et celui du 2, mais enfin, je l'ai trouvé vraiment excellent, je me suis éclaté, je l'ai trouvé... Enfin, je sais pas... Je vois pas, à part peut-être le fait que ça peut saouler certaines personnes qu'il faut ramasser, il faut looter un maximum partout. Le reste, j'ai trouvé ça vraiment très très bon, quoi. J'ai pas trouvé ça limité du tout, bien au contraire. J'ai trouvé ça super bien calibré, je me suis bien éclaté. Enfin, vraiment, tu vois, je dis pas ça parce que je veux tout défendre dans le jeu absolument. Je le dirais si vraiment il y avait... Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment très très bon, quoi. Alors après, je sais pas, peut-être que... Il y a peut-être un côté classique aussi au gameplay, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de... Enfin, moi, j'ai rien trouvé de dingue, c'est-à-dire que tu... Enfin, après, il y a un truc où Naughty Dog est très bon, mais bon, à force de jouer au jeu Naughty Dog, on le voit, c'est-à-dire que tu vas d'un point A à un point B en passant par des chemins détournés, tu te dis « Ah, je vais traverser tel pont », mais forcément, tu sais que le pont, il va s'écrouler, que tu vas devoir passer par en dessous, remonter, machin. Si tu veux, de ce point de vue-là, à mon sens, il n'y a pas de surprise. Ça m'a pas gêné, mais je peux comprendre que ça gêne. Bah, il me semblait, j'ai plus d'exemple en tête, mais il me semblait qu'ils avaient un peu détourné ça, justement, dans... Enfin, ils l'avaient déjà fait dans déjà le premier The Last of Us, si je me souviens. Enfin, il y a tellement une fameuse scène où Ellie veut pas monter là où Joël veut lui faire la courte échelle, etc. C'est une scène assez... je sais que dans le 2, il y a des moments où vraiment je me suis dit là, ça va s'écrouler, ça s'est pas écroulé. Alors, il y a des trucs que tu vois venir, bien sûr, mais globalement, enfin, je sais pas. Après, je te dis, je suis peut-être plus bon public que la moyenne, peut-être. Mais les gros effets, il y en a certains, je les ai vraiment pas vus arriver. Et surtout, oui, je voulais préciser aussi, en termes de jeu horrifique, parce que moi, c'est un de mes genres préférés, il y a des scènes dans le jeu au début, je dirais régulièrement, que je n'ai pas vu venir, qui m'ont vraiment impressionné. Et c'est vrai qu'après, RE3 Remake m'a paru un peu fade là-dessus. Mais je pense notamment une certaine... Enfin, il y en a tellement, en fait. Mais pour en citer qu'une... celle au tout début où tu diriges Abby, où t'es coincé entre un mur et un grillage avec des infectés, bah je sais pas, je trouve, voilà, pour moi ça c'est grandiose, quoi. Enfin, des choses quand t'es vraiment dedans et que ton casque est devant ton écran, moi quand on fait des jeux d'horreur, hein, quand on bouffe des kilomètres, je sais pas, il y a un truc, enfin là on est plus dans la mise en scène, on est plus dans le gameplay, mais ouais, je sais pas, écoute, moi vraiment niveau gameplay, j'ai pas tant vu arriver les effets que ça, comme tu dis, et en termes vraiment de prise en main pure et dure. Enfin, j'ai adoré crafter, j'ai adoré utiliser certaines armes dans certaines conditions, j'ai adoré comment me planquer dans les herbes, utiliser mon arc. Enfin, vraiment, je me suis vraiment éclaté d'un bout à l'autre aussi. Donc, bon, écoute, après, peut-être que moi, ça me convient parfaitement et c'est normal. Ça peut pas convenir à tout le monde. Tu vois, God of War, le reboot, moi, le gameplay m'a profondément ennuyé et je sais que beaucoup l'adorent. Après, c'est peut-être juste une question de ressenti. Mais bon, et vous, messieurs, du coup, dans The Last of Us Je vous ai laissé finir, parce que moi, c'est pareil, c'est un jeu que j'ai parcouru de A à Z, et en fait, je vais rencontrer plus mon expérience de jeu, parce que c'est le plus simple, parce que vous en avez déjà pas mal fait le tour. En fait, moi, j'ai pas eu l'impression de jouer un gentil, un méchant, mais simplement deux survivants qui ont subi un traumatisme, et... qui essaye de, bah, comme vous l'avez dit, une histoire de vengeance. Et la morale, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire par vengeance. Jusqu'où on peut aller, justement, pour par vengeance, et jusqu'où ça peut justement anéantir notre humanité. Moi, c'est surtout comme ça que je l'ai vécu, cette histoire. Ah, c'est clairement l'un des messages du jeu, de toute façon. Hein. C'est assez clair. Et toi, du coup, globalement, je perds ma voix. Globalement, tu l'as trouvé trop long au niveau gameplay, t'as vu peut-être des choses à redire, ou c'est vraiment pour toi l'expérience narrative qui a tout emporté Moi, en fait, j'ai l'impression d'avoir trois jeux dans une même boîte. Je dis, moi, clairement, je me suis dit, ça aurait été un jeu Capcom, ils auraient été capables de vendre le jeu 3 fois 60 balles. Clairement. Non, mais c'est vrai, parce que arrivé à un moment, c'est ce que je me suis dit, on est tous un peu au cours de temps. Et en fait, la première partie, Abby, on n'a qu'une seule envie, en fait, c'est de la buter. Et tout ce qui est WLF, on n'hésite pas à les charcuter, hein, juste par esprit de vengeance. Puis arrivé au milieu du jeu, en fait, ça se coupe, et t'as le changement de vue, et au fur et à mesure, tu te dis « Merde !» Justement, ce que vous avez dit, et là, ça, on se dit, on se rend compte que, c'est ce que j'ai dit avant, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, c'est juste deux survivants qui essaient justement de, entre guillemets, de mettre, de vider une, enfin, pas de fermer une partie de leur passé, mais de fermer une porte en tuant, entre guillemets, l'élément gênant, quoi. Bah, c'est ça, et du coup, et ça j'aimerais avoir ton avis aussi, Lina, donc là on spoil à mort, hein, mais quand tu te retrouves au duel dans le théâtre, Abby contre Ellie, à ce moment-là, tu diriges Abby. Bon, ça met quand même dans un sentiment, même si là, à ce moment-là, moi j'avais pris fait et cause un peu plus pour Abby, mais j'avais pas envie quand même de tuer Ellie non plus, quoi. Et c'est... Comment vous vous êtes senti à ce moment-là ? Moi j'ai trouvé ça fort. Clairement, j'ai dit, ça fait partie des nombreuses claques que j'ai pris dans le jeu. De toute façon, j'en ai pris une tous les trois quarts d'heure, j'en ai pris une. Et là, à ce moment-là, de toute façon, ça reprend là où ça s'est terminé l'histoire une quinzaine d'heures plus tôt. Puis, entre guillemets, t'as le cul entre deux chaises. Parce que t'as pas forcément envie d'y aller franco sur Ellie, parce que tu la vois comme la héros précédente et tu la vois comme une gamine. Mais elle n'hésite pas à te charcuter la tronche, quoi. Moi pareil, c'est un des moments de jeux vidéo les plus ouf que j'ai vécu, quoi. Oui, Lina. Moi en fait, à la fois je trouvais ça super fort. Après il y a un détail qui m'a un peu fait sortir de cette scène là, c'est que j'ai trouvé Ellie tellement cheatée par rapport à Abby. C'est-à-dire que globalement Abby c'est un soldat, elle est hyper entraînée, je pense qu'elle prend des stéroïdes pour monter sa masse musculaire, etc. Enfin tu vois, elle s'est entraînée, elle n'a pensé qu'à ça pendant toutes ces années, sa vengeance, sa vengeance, sa vengeance. Ellie, enfin physiquement, objectivement, elle n'est pas à niveau, techniquement elle n'est pas à niveau, c'est pas, il n'y a pas de critique vis-à-vis de l'un ou l'autre. Et là en fait j'ai trouvé qu'Ellie était tellement forte sur ce combat en fait que ça m'a un peu fait sortir du truc. Oui, c'est vrai qu'Ellie fait un peu frêle à côté. J'étais tellement dans le truc que c'est vrai que je m'étais pas fait cette réflexion, mais oui, effectivement, Ellie, elle est. Bah, Ellie, elle tue en un coup, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est pas la Ellie qu'on connaît, tu vois. Donc, du coup, là, c'est peut-être un petit défaut. Je pense que j'aurais été plus emportée si, entre guillemets, ça avait été plus serré, plus proche du combat de la fin, en fait. Voilà, le combat final qui est. Ce qui est ouf, je sais pas si ça vous est arrivé, mais quand tu cherches donc Abby sur les poteaux là, au début, je pensais pas que c'était elle, je pensais que c'était un PNJ lambda qui allait me dire ouais, elle est là-bas ou je sais pas quoi. Et la transformation physique d'Abby, et tu t'imagines tout ce qu'elle a dû subir là-bas, les pires horreurs, et physiquement tu la reconnais pas, tu la reconnais à peine quoi. Ça aussi, c'est assez dingue quoi. Ouais, et... ouais, non, c'est vraiment. Ça, du coup, la fin, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très bien. En fait, dans le combat final, j'osais pas frapper. C'est con, hein, mais tu la vois tellement frêle, tellement métamorphosée, que t'as pas envie, en fait. T'as tellement vécu de choses aussi les 4 ou 5 heures précédentes que t'oses pas. Ah. T'as l'impression qu'il y a deux fins, en fait. T'es dit si tu la tues ou si tu la tues pas, est-ce qu'il va y avoir deux fins ? Quel est le bon choix ? Mais c'est dingue, c'est un ascenseur émotionnel, parce que là tu te dis, là maintenant je dirige Ellie, donc je vais me venger par rapport au duel précédent. Sauf qu'effectivement, tu vois l'état dans lequel se trouve Abby, elle veut même pas se battre, elle veut s'en aller, elle en a marre, elle veut tourner la page, quoi. Et à ce moment-là, ce qui est assez fort, c'est que moi à ce moment-là, j'ai détesté, tu es Ellie à ce moment-là. parce qu'elle elle va se barrer aussi, mais bon, elle a son flashback de Joël, donc elle y retourne. Elle menace de d'égorger Lev si Abby se bat pas. Et tu dis, mais putain, mais laisse-la, putain, mais arrêtez. Tu vois, t'es là, tu fais, mais c'est bon, quoi, arrêtez. Et là, tu détestes Ellie pendant tout le combat. Enfin, moi, ça a été mon cas. J'avais hâte que, voilà, que le combat se termine parce que émotionnellement, j'ai envie de dire, bah, laisse partir Abby, laisse partir le gosse, et puis on n'en parle plus. Et après, tu reprends quand même. Donc, Abby se barre et t'as à nouveau de l'empathie pour Ellie quand elle s'effondre, voilà, assise dans l'eau. Et puis à la fin, quoi, tu t'aperçois qu'elle a, elle a tout perdu. Alors, on peut se dire qu'elle l'a un peu cherché parce que Dina la retient quand même. Elle se barre quand même parce que la vengeance est plus forte que tout. Mais elle a tout perdu, quoi. Elle peut même plus avoir ce lien, le dernier lien qu'elle avait avec Joël, c'était la guitare. Donc, comme elle s'est fait bouffer deux doigts pendant le dernier combat, elle a même plus ça. Elle s'en va. Et effectivement, la morale, c'est que dans sa quête de vengeance, elle a tout perdu, quoi. Tout. Ouais, mais en même temps, elle est en paix. Enfin, moi, à la fin... Ah, tu la sens en paix à la fin? Moi, bah, moi, si tu veux, je l'ai compris comme ça. C'est-à-dire que en fait, si elle avait pas fait ce voyage, c'est-à-dire que elle était pas à un moment de sa vie, enfin, tu vois, où elle pouvait passer à autre chose. C'est-à-dire qu'elle avait besoin de revoir Abby et soit de... Parce que en fait, la rencontre précédente avec Abby, Ellie, elle n'a pas été maîtresse de ce qui s'est passé, tu vois. C'est-à-dire qu'Ellie, elle a eu le choix, en fait, avant que Abby les retrouve dans le théâtre. Alors là, on est en full spoiler, je suis vraiment désolée. c'est pas grave, de toute façon, depuis tout à l'heure, on y est. Avant que Abby les retrouve dans le théâtre, Ellie avait décidé de laisser tomber et de rentrer. Et elle avait accepté de rentrer, en fait, et de laisser tomber, ouais. En fait. Et en fait, le fait, après, de rentrer par rapport à ce qui s'est passé dans le théâtre, c'était pas de sa décision, tu vois. C'est-à-dire qu'elle n'était pas le sujet de ce qui s'était passé, en fait. Et je pense que, quand tu vois la scène dans la grange un petit peu plus tard, je pense que en fait, Ellie avait besoin... En fait, de revoir Abby, soit pour lui pardonner, soit pour se venger, mais en tout cas, elle avait besoin, elle, d'être le sujet qui trace un trait sur l'histoire, en fait. Donc, au final, effectivement, elle a, si ce n'est tout perdu, au moins beaucoup perdu. Mais, si tu veux, moi, j'ai l'impression que le moment où elle part à la fin, pour moi, c'est un nouveau départ, et en fait, elle est apaisée. Enfin, tu vois, à la fois, je l'ai pas sentie hyper surprise quand elle retourne dans la maison qu'il y ait personne, parce qu'en même temps, je sais pas combien de mois elle est partie, mais elle a dû partir un sacré moment pour faire de Jackson à Santa Barbara à pied ou à cheval, et pour faire l'aller-retour en plus. Et puis quand on voit l'état dans lequel était Abby, ça s'est pas fait en une semaine, quoi. Oui, non, c'est clair. Donc, et en fait, pour moi, je la sens un peu apaisée quand elle repose sa guitare. Enfin, disons que c'est pas une bonne fin, mais en fait, elle est enfin prête à passer à autre chose. Ouais, mais à quel prix? Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je la sens un peu, je sais pas. Effectivement, il y a ce côté, elle a tourné la page dans sa quête dans sa soif de vengeance. Et en même temps, je pense qu'elle doit vraiment être... ça doit être hyper contrasté en elle, parce que c'est vrai que la vie, en tout cas, qu'elle avait commencé à dessiner avec Dina était quand même quelque chose, quelque part, qu'elle n'avait jamais eu et qu'elle a perdu un peu avec son père de substitution qui était Joël. C'est-à-dire créer une famille, le foyer, etc. Mais ouais, la fin, elle est assez... contrastée. Bah, contrastée, je pense que... Elle a tourné la page de ce côté-là, mais le prix à payer est très lourd, quoi. Est très, très lourd. Mais c'est un ascenseur émotionnel de A à Z, hein, parce que moi, c'est clair. Très clairement, à la fin du joueur 3, le combat, je me suis dit, oh, c'est juste un petit flashback qui va durer 10 minutes, un quart d'heure, l'histoire d'avoir la vie d'Abby vite fait. Mais non, t'es reparti pour une quinzaine d'heures. Après, t'as le combat Ellie versus sa vie dans le théâtre. T'as la petite scène dans la petite ferme. Tu dis, bon, ben, c'est bon, là, c'est l'épilogue, ça se termine, etc. Bon, tu recroises entre guillemets son oncle, et paf, tu repars encore pour 4 heures de jeu. C'est là où Naughty Dog est fort, tu dis qu'à chaque fois que tu te crois que t'es bon à poser la manette, bah non, tu repars pour un tour. C'est quelque chose quand même qui est génial. Ah bah c'est clair, moi dans la ferme, pour moi, c'était la fin, c'était l'épilogue. Pour ceux qui suivent les jeux du studio, comme toi, Lina, ça ressemble vraiment à un épilogue, ça ressemblait vraiment à un épilogue de Naughty Dog, quoi. Ouais, en effet, ouais. Et du coup, tu dis, bon, bah ça y est, c'est fini, c'est l'happy end, c'est top. Alors tu te doutes qu'il va arriver un petit truc, tu vois, qui va faire que ce sera pas vraiment happy end, et voilà, c'est toujours beaucoup plus nuancé que ça, mais tu dis, bon, là, je suis dans les dernières minutes, quoi. Et non, et là, en plus, Tommy, t'as envie de le baffer, quoi. C'est vrai que quand il arrive... Tu peux comprendre après coup sa réaction, mais t'as envie de le baffer quand il arrive, quoi, quand il vient les faire chier et c'est lui qui relance toute la machine. Et en même temps, il a pris cher aussi. Il a pris cher et puis tu sens que de toute façon que, enfin, c'était la petite étincelle. Sa vie est détruite, hein, de toute façon, hein, il le dit. Et sa femme s'est barrée, il y a plus son frère, voilà, il y a plus de famille. Mais t'as envie de dire laisse-les tranquilles, quoi. Elles sont là avec le bébé. Bon, de toute façon, c'est pas ça qui le fera revenir, quoi. Mais bon. Mais du coup, c'est la différence, c'est toute la différence entre Tommy qui n'a pas su lâcher prise et Lee qui, à un moment, a su lâcher prise. Et en même temps, c'est lui qui révèle le fait que elle en a pas totalement fini avec ça, quoi. Donc, il a pas fallu la pousser trop fort non plus. Non, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, c'est fort, quoi. On pourrait en débattre des heures parce que vraiment le jeu est. Mais en même temps, 30 heures et jongé de scènes comme ça. En même temps, c'est aussi à la hauteur du 1 où quand même, à la fin, Joël fait le choix de condamner l'humanité. Et ce qui est fort, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est le postulat du deuxième. Au lieu de désacraliser la fin du 1, je trouve que c'est le contraire. Il lui rend le plus bel hommage en faisant, et ça c'est mon avis, un jeu encore meilleur que le premier. Puisqu'effectivement, il condamne l'humanité... Et ça peut pas, il peut pas s'en tirer comme ça, quoi. C'est pas possible, y compris pour des bonnes raisons selon lui. Pareil, vous disiez, on disait même, parce que je suis totalement d'accord avec vous, que justement, quand on revoit les événements Ikabi, on refait une autre lecture de nos agissements avec Ellie, mais ça te refait même revoir les agissements que t'as eu dans le 1, parce que on te fait revivre régulièrement la fameuse scène à la fin du 1, donc excusez-nous, on spoil encore, où avec Joël, tu t'embarques Ellie avant l'opération donc, qui la tuerait. Et moi, je sais pas vous, mais à l'époque du 1, et je me suis refait en version remaster, avant d'attaquer le 2, je me suis refait le 1 une énième fois. T'es là, tu cours, t'as envie de buter tout le monde pour la récupérer, tu vois. Tu dis, non, il faut pas qu'elle meure, quoi. T'es tellement attaché à elle, c'est ta fille, quoi, dans le jeu. Tu dis, non, je veux pas qu'elle meure. Mais quand tu vois cette scène, qui est une des plus bouleversantes pour moi du 2, quand t'es côté Abby, justement, et qu'elle t'arrive et que tu vois que ton père s'est fait descendre, ça te refait même vivre ce que tu as fait dans le 1, en fait. C'est ça aussi que je trouve très fort, c'est que non seulement ça remet en perspective ce que t'as fait durant la première partie du 2, mais aussi ce que t'as fait dans le 1. C'est, oui, ouais, c'est fort, et puis, c'est très fort. Et puis il y a aussi un truc dans le 1, moi, qui m'avait marqué et qui est un petit peu, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais qui est un petit peu évoqué dans le 2, c'est qu'à aucun moment dans le 1 on demande son avis à Ellie. C'est-à-dire qu'on demande son avis en lui disant là, l'opération qui peut sauver l'humanité, elle va probablement te tuer. C'est-à-dire que Joël décide. Les médecins des Lucioles décident qu'on va la tuer. Joël décide qu'on ne va pas la tuer. Mais ça se décide entre eux, si tu veux. Et il y a une scène qui fait du coup le miroir au fait que Joël décide de sauver Ellie. C'est qu'à un moment, dans le père de Abby et Marlène, je crois, des Lucioles, discutent, ouais, du fait que Ellie va mourir. Et Abby dit oui, mais moi si j'avais le choix, si c'était moi, j'accepterais de mourir. Sauf qu'à un moment, personne n'a jamais demandé son avis à Ellie, qui justement en plus dira plus tard oui, moi j'aurais accepté de mourir, en fait. Bah, c'est même pour ça qu'après ils sont. Ils sont elle en veut à mort à Joël, et ils sont très très très fâchés, enfin Ellie en tout cas est très fâchée que Joël. Il y a des scènes d'ailleurs très poignantes là-dessus où Joël est brisé parce qu'il l'a sauvé, mais elle le rejette en même temps, puisque comme tu dis, on lui a jamais demandé son avis, il lui a volé sa destinée, son sa destin, décision, mais c'est, ouais, ce qu'ils ont fait fort aussi, c'est que c'est graduel, parce que dans toute la première partie du jeu, tu le sais pas, ça. Exact. Moi, il y a des scènes, entre guillemets, comme tu parlais, que je trouvais très Uncharted 4, notamment dans le musée. Oui. Il y a plein de petites scénettes comme ça, que, entre guillemets, après avoir vécu la première trois quarts d'heure que tu vis ce genre de scène, bon, c'est un coup derrière la nuque, quoi. C'est violent, quoi, comme truc. Et c'est en un coup, mais il y a pas mal aussi de trucs que j'ai adoré, c'est tous les documents que tu récupères, etc., qui te racontent la vie de personnes que tu vois pas, mais de manière hyper détaillée. Notamment quand tu récupères l'arc, justement, où tu lis à travers divers documents, dessins d'enfants, etc., l'histoire de cette personne-là. Oui, oui. Et franchement, ça, c'est des trucs qui sont hyper poignants, et pour te mettre dans l'ambiance, il n'y a rien de mieux, quoi. Non, mais c'est... Puis bon... La mise en scène aussi, enfin, il y a des choses où tu vois plus la différence, en fait, comme ils avaient fait déjà dans Uncharted, entre les scènes cinématiques et le gameplay. Et moi, je sais que pendant des séquences qui mélangeaient séquences jouables et non jouables, même pendant les cinématiques, je dirigeais les personnages, moi. Parce que t'es tellement dans le truc que pour toi, c'est naturel, en fait. Même les moments où t'as pas le contrôle, j'avais l'impression de l'avoir, en fait. Parce que la transition est tellement bien faite et enfin c'est assez dingue, quoi. C'est vraiment assez dingue et non, vraiment c'est un jeu qu'il faut absolument faire pour tout un tas de raisons, mais oui et puis bon, pour en parler des heures, parce qu'il y a le personnage de Dina, moi, que j'aime beaucoup aussi, il y a aussi la décrépitude psychologique de Joël, quoi, il y a des scènes totalement poignantes où il est en larmes, on voit qu'il est complètement brisé, quoi, du rejet d'Ellie. Et finalement, c'est un jeu où Ellie, même si on peut la comprendre, plusieurs reprises, on la déteste un peu quand même dans le jeu par moment, quoi. Je sais pas, mais moi, je suis passé par toutes les... Parfois, j'étais avec elle, parfois, j'avais envie de l'engueuler. Enfin, c'était assez... Oui, mais bon, elle a 20 là-dessus. Ans. Ah bah, c'est plus une gamine, c'est sûr. Ouais. T'as l'impression qu'en fait, t'as fait cette crise d'adolescence, mais entre guillemets, retardée. Enfin, ce qui est normal aussi, hein, parce que t'as... Bah, c'est plus une gamine, mais elle est pas, pas là, vieille non plus. Enfin, c'est entre deux âges. Adulte, quoi. Elle a le cul entre deux âges, et c'est ça, à mon avis, qui fait que par moment, on a envie de l'aider, et d'autres moments, envie de la baffer, quoi. Ah, mais carrément, carrément. Mais moi, il y a toujours une scène, chaque fois, je la... enfin, quand je l'ai fait, même dans le deuxième run, enfin, quand on voit la scène du bal à la fin, quand t'as Joël qui veut la défendre, et qu'elle l'envoie chier devant tout le monde, et tu vois, qui repart un peu, bon... à chaque fois, c'est une scène qui me... Et puis la toute dernière, quoi. Tout doucement, on apprend, on voit les derniers mots qui se sont dits avant le drame. C'est terrible, quoi. Enfin, vraiment, c'est fort, quoi. C'est fort. Même juste après le drame, hein, ouais. Tu regardes, c'est le premier truc que tu vois, entre guillemets, quand tu recommences, c'est que tu vas visiter sa maison, quoi. Et là, ça, t'as les fois, parce que tu retombes sur ses affaires, sur sa montre, sur la photo de Sarah que t'avais chopée dans le vin, etc. Était quand elle hume, voilà, quand elle met la tête dans son blouson là, voilà, t'es en mode saucisse, quoi, t'as les larmes qui montent, quoi. Ah bah, je peux dire que moi ça a coulé, hein. Pendant le jeu, j'étais en c'était les grandes eaux en permanence. On va peut-être, parce que là, du coup, c'était bien ce petit spécial Last of Us 2. On l'avait proposé, on l'a fait quasiment là. Parce que là, on va pas pouvoir passer une heure et demie par jeu à chaque fois, c'est pas possible. Et je pense au pauvre Mopral. Moi, j'ai bien dormi, hein, ça va, c'est une petite sieste tranquille. T'as fait une sieste réparatrice. Voilà, une demi-heure, c'était pas mal, ça me berçait. Vous avez dit plein de bien du jeu, maintenant je vais pouvoir le critiquer, c'est ça, ça y est, c'est mon tour. Hein. Mais tu l'as fait le 2 ou pas? Non, je l'ai pas fait le 2, en fait, j'ai même pas fini le 1. En fait, il critique l'idée même du 2, en fait, ça va être très concept. Oui, je critique Naughty Dog de base, hein. J'aime pas du tout Naughty Dog. Enfin, Naughty Dog post Crash Bandicoot, on va dire. À partir d'Uncharted, j'ai pas du tout aimé Naughty Dog et. Là, moi, c'est l'inverse, c'est marrant. Y a quelqu'un pour lui couper le micro? Je l'ai fait moi-même pendant 45 minutes, tu sais, je vous laissais parler. Mais je vais juste, moi, rebondir un peu sur tout ce que vous avez dit. Enfin, sachant que je l'ai pas fait, mais la raison pour laquelle moi j'aime pas la formule Naughty Dog, la nouvelle, c'est que quand j'ai un jeu narratif, je suis très sensible, on va dire, au choix de gameplay, à ce qu'on peut faire dans le gameplay et à la réaction que vont avoir les personnages. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas logique ou qui me sort du jeu parce que gameplay mal fichu ou etc., ça va totalement me sortir et je vais détester l'expérience. Ça m'a fait ça avec The Last of Us que j'ai pas pu finir, ça m'a fait ça avec A Plague Tale, je me suis forcé à le finir mais c'était exactement le même principe. J'ai pas aimé le gameplay, mais j'ai pas réussi à m'immerger dans l'histoire et là c'était vraiment une horreur pour moi. Vraiment, il y avait, pour moi c'était juste du creux avec des séances de gameplay plus que moyennes parce que du coup j'arrivais pas à m'associer à l'histoire et bah du coup c'est pas des jeux que j'ai aimé faire et voilà que j'ai envie de continuer. Alors peut-être que le 2 effectivement aurait été différent, je l'ai pas du tout testé, mais je pense pas que ce soit. Et effectivement, comme tu dis Nat, je sais bien que Plague Tale c'est pas Naughty Dog, mais enfin le principe est le même pour moi dans les deux cas, c'est-à-dire c'est vraiment très narratif, mais avec un gameplay que je trouve plus que moyen, qui fait l'affaire dans l'idée dans un jeu narratif, mais pas pour moi en fait. C'est pas ce que je recherche. Ou pas comme alors ça. Avant qu'on débranche ton micro, quelle a été du coup la dernière expérience narrative qui t'a vraiment marqué, la toute dernière? C'est compliqué, mais je pense que vu que je l'ai fini il y a pas longtemps, je dirais The Outer Wilds, tu vas dire. Je pense à ce niveau-là parce que en fait, il y a un truc qui m'énerve dans The Last of Us ou autre, c'est ne pas avoir de choix. C'est-à-dire que tu es obligé, tu subis les événements qui vont se passer. Alors, c'est peut-être pas pareil dans le 2, hein, je vais pas tout suivre, mais dans le 1, voilà, c'est en continu, voilà, on n'a pas le choix, il faut suivre l'histoire. À tel moment, il y aura tel truc qui va se passer. Du ah, coup, parce que c'est un choix de scénariste après. Totalement, je respecte ça, c'est normal de vouloir une. Après, il faut accepter le contrat au début, quoi. Voilà. Complètement. Mais tu vois, par exemple, un Life is Strange. Mine de rien, t'as quand même des choix qui te sont donnés et on va dire c'est toi qui as choisi l'histoire, alors que c'est une importance ou pas, qu'il y ait des répercussions ou pas, ça à la limite c'est même pas dérangeant, c'est que on a pris une branche que moi j'ai voulu, alors que là bah, y a tel personnage qui va se faire tuer parce que il écoutait discuter un autre et qu'il a pas vu le sniper qui était derrière lui, bah ça va m'énerver un peu parce que moi j'ai pas eu mon mot à dire quoi, si tu veux, j'ai même rien pu faire, c'est pas comme si j'avais choisi de venir ici, j'avais pas choisi, j'ai rien choisi. Du coup en fait c'est typiquement ce type de jeu en fait qui te convient pas, c'est à dire que un jeu où c'est un scénario c'est enfin où en fait entre guillemets ton interactivité avec le jeu n'est pas n'a aucun impact sur le scénario et sur le déroulement de l'histoire en fait. Alors, il y a un peu de ça, mais aussi quand le gameplay va pas au même rythme que le scénario pour moi. C'est quand le gameplay me frustre et m'empêche, on va dire, d'aller devant le scénario, que ce soit le gameplay qui me bloque. Tu vois, par rapport à un film que tu regardes, bon bah voilà, tu le regardes du bout à l'autre, tu le comprends, tu le comprends pas, c'est une autre affaire. Là, il y a eu plusieurs scènes dans le 1, dans The Last of Us 1, par exemple, à un moment, t'as la tête en bas, parce que t'es tombé dans un piège, et tu dois tuer des zombies qui s'approchent de toi. Et j'y arrivais pas, enfin vraiment avoir la tête en bas, j'arrivais pas à viser, etc. Ça m'a frustré, je l'ai fait 3-4 fois, et c'est une scène, t'as pas le choix, faut le faire. Et en plus, c'est débile parce que tu réapparais la scène, oh mince, je suis encore tombé dans le piège, je suis encore la tête en bas, faut encore que j'éclate des zombies. Et du coup, ça m'a frustré plus qu'autre chose, parce que je voulais juste la suite de l'histoire, et je ne pouvais même pas l'avoir, parce que gameplay qui me convenait pas, qui était pour moi mal fichu. Donc, en fait, il faut que tu regardes ces jeux-là sur YouTube, en fait. Oui, exactement. Oui, non, mais ce serait vraiment typiquement le genre de jeu. C'est pas voilà, une critique quand je dis ça. C'est qu'il faut que tu regardes quelqu'un qui fait The Last of Us 2, par exemple, sur YouTube. Exactement. Et pour moi, c'est un jeu qu'on appelle souvent un jeu cinéma, tu vois, parce que voilà, en général, il n'y a pas forcément beaucoup de gameplay, enfin, pas trop complexe. Ça va, c'est comme l'Uncharted en général. C'est en ligne droite, un peu de pampan, un peu de grimpette, et puis hop, on continue le scénario. Bah, c'est pour moi, voilà, je préférerais voir un film plutôt qu'avoir un jeu où le gameplay va pas forcément suivre, parce que du coup je vois pas forcément l'intérêt de m'infliger des scènes de gameplay moyen, alors que tout ce qui m'intéresserait dans le jeu ce serait l'histoire quoi. Ah, je vous ai coupé la chic là. Ah bah on est tous atterrés en fait. Non, c'est un peu tout à fait. Quelle indignité. Je comprends tout à fait, on va dire qu'on aime ce genre de jeu, mais c'est vrai que moi c'est vraiment quelque Monsieur chose qui va me bloquer. Ouais, non mais effectivement, du coup, Last of Us 2 c'est pas pour toi, c'est vraiment, et c'est voilà, c'est le type de jeu qu'il faut que tu regardes que tu regardes en streaming, voilà, et plutôt ouais, ouais. Que tu y joues, parce que c'est exactement ce que t'as expliqué en fait. Last of Us, t'auras pas aucun impact sur le déroulement du scénario. Bah, ne pas avoir d'impact, c'est pas, vraiment pas encore une fois ce qui me dérange. C'est aussi que le gameplay pour moi ne suive pas ou soit trop, on va dire, c'est pas un mot, c'est un mot un peu fort, mais on va dire médiocre, pour que le jeu puisse continuer à m'intéresser, en fait. Juste avoir une histoire, ça me suffit pas forcément, parce que moi j'estime que c'est un jeu vidéo, et du coup, je devrais avoir quelque chose à faire en plus, voilà, qui retienne mon intérêt au-delà d'une histoire. Si je veux juste une histoire, j'ai les livres, j'ai les séries, j'ai les films. Un jeu vidéo, pour moi, c'est une part de gameplay qui reste importante. Et du coup, si j'ai rien à faire derrière, même pas un choix à faire, bah ouais, fatalement, je vais plus m'ennuyer, je vais me focaliser que sur l'histoire et ça va me frustrer parce que le gameplay suit pas, etc. Pour moi, c'est vraiment un cercle vicieux. Ah, je vais pas revenir sur le gameplay, j'en ai parlé tout à l'heure, donc moi, c'est vrai que je suis vraiment pas du tout d'accord. Mais du coup, c'est Outer Wilds, oui, disais, c'est ça ? Ouais, ouais, alors je veux revenir, oui, oui, parce que j'en dessus. Ai beaucoup entendu parler de ce... Je sais que sur GameCult, ils en ont fait tout un... Tu peux nous rappeler déjà ce que c'est au niveau du principe ? Ouais, ouais, tout à fait. Alors, on démarre, on se réveille, on est un extraterrestre, hein, globalement, on est une sorte d'espèce qui a quatre yeux, on est sur une petite planète, et on nous raconte que voilà, on va devoir visiter l'espace, c'est notre premier vol, je crois, et qu'il y a toute une civilisation qui s'appelle les Nomai, qui ont existé avant, voilà, il y a des recherches qui sont faites. On va voir la personne qui nous dit les codes d'accès, en fait, les codes de lancement. On sort de la base et il y a une statue un peu qui nous regarde, c'est assez bizarre, on revoit notre vie, enfin les 15 dernières minutes qu'on a vues. On démarre, voilà, et puis ce qui va se passer, c'est, alors attention, petit spoil, hein, au bout d'un moment, le soleil va exploser. Globalement, il va... Voilà, le spoil, tu peux y aller. Hein. Non, mais on le découvre assez vite, hein, mais c'est assez impressionnant en fait dès le début parce qu'il y a une petite musique qui démarre. Et elle est vraiment, la musique, elle est géniale. Vraiment, ça t'accroche au cœur. Et tu vois, enfin, si t'as l'occasion, tu vois le soleil qui explose, qui se réduit en petite boule, et puis après qui explose en un amas bleu. Bon, bref. Et là, du coup, tu meurs. Et ce qui se passe, c'est que tu vas revoir ta vie passée. Donc, normalement, c'est 22 minutes avant que le soleil explose. Et là, tu vas te réveiller exactement comme avant. Et du coup, t'auras tes souvenirs d'avant. Et le principe de jeu, ça va être ça va être une boucle temporelle de 22 minutes, et à chaque fois que tu meurs, bah, tu réapparais à ce niveau-là. Et tu vas explorer l'univers, en fait. Alors, c'est un petit univers, il y a quoi, il y a 5-6 planètes, peut-être un peu plus globalement. Et à chaque fois, tu vas en découvrir un peu plus, tu vas voir la civilisation Nomai, du coup, tu vas voir des écrits qu'ils ont faits, qu'ils vont discuter, qu'ils cherchaient l'œil de l'univers, donc il faut comprendre ce que c'est l'œil de l'univers. Il y a différentes planètes qui ont chacun leur petit truc. Il y en a une, par exemple, pour pas trop spoiler, elle a un trou noir au milieu, enfin dans son centre. Et du coup, au fur et à mesure des 22 minutes, eh ben, il y a des morceaux qui vont se décrocher, qui vont tomber dans le trou noir et vont apparaître ailleurs. Et du coup, bah, si tu vas à la fin, bah, globalement, tu auras moins de trucs à visiter qu'au début. Mais en même temps, il y aura peut-être des trucs qui sont inaccessibles au début, qui le seront à la fin parce que c'est dans l'espace, etc. Et t'as énormément de choses à voir comme ça, et au fur et à mesure, en fait, tu te fais ton histoire. Et alors, il y a une fin, il y a une vraie fin pour le coup. Il y a un truc qui est à faire pour accéder à la fin, mais ça va être à toi de comprendre. T'as un ordinateur de bord qui va te dire ce que t'as vu, ce que t'as pas vu, et puis c'est à toi de comprendre certains trucs. T'as un moment, t'as une lune quantique. C'est un concept génial. C'est le principe du quantique, c'est que, enfin, dans le jeu, c'est que si tu le vois pas, eh ben, il disparaît en fait. Il apparaît ailleurs. Et du coup, la lune, si tu la regardes plus, eh ben, va apparaître autour d'une autre planète. Et du coup, bah, faut comprendre comment ça fonctionne la lune quantique, t'as tout un truc à découvrir. Et c'est une narration justement où c'est toi qui te fais ta narration. Alors il y a quelques dialogues, pas beaucoup, et c'est souvent de l'écrit, c'est beaucoup à lire. Et c'est de la découverte, c'est de la compréhension, c'est voilà, être au bon endroit au bon moment. Alors évidemment, tu le comprends assez vite, mais voilà, c'est toi qui te fais ta narration. Et au début, en fait, j'ai pas accroché du tout au jeu, tout simplement parce que j'avais regardé un stream d'Altonium où il essayait d'accéder à une base qui est sur le soleil. Voilà, et en fait c'est un truc hyper dur à faire avec le vaisseau, enfin voilà, faut vraiment être bien maîtrisé. Faut y aller la nuit. Forcément... Oui, exactement, voilà, faut y aller la nuit, comme ça le soleil est éteint. Et du coup, le premier truc que j'ai fait quand j'ai démarré le jeu, bah tiens, je vais faire comme Atomium, je vais aller sur le soleil. Bah non, c'est pas possible, enfin j'avais pas l'expérience, c'était compliqué, en plus il y a un moyen plus simple d'y accéder, bref. Et du coup, ça m'a hyper frustré, voilà, je me dis, bah j'aime pas ce jeu, il est pas top quoi. Et bah en fait, j'ai recommencé plus tard et vraiment, j'ai pris mon temps. J'ai d'abord exploré la planète sur laquelle on est, on fait le tour, etc. On scanne des trucs et finalement, en fait, c'est vraiment un jeu que tu découvres au fur et à mesure. Il n'est pas forcément long, il dure une vingtaine d'heures, je crois, pour vraiment faire le tour. Il n'est pas spécialement compliqué non plus. Mais voilà, c'est une expérience que tu te fais toi-même. C'est un peu une expérience à la carte où bah, tu as l'espace pour toi. T'as plusieurs planètes qui ont des trucs à découvrir, il faudra toutes les faire, mais tu le fais dans l'ordre que tu veux. Et des fois, tu devras revenir parce que t'as compris un truc, t'as compris comment ça fonctionnait, donc tu reviens et tu vois pas les choses du même œil. Et voilà, j'ai adoré Outer Wilds pour ça. Moi, il est dans ma liste, c'est vrai que j'en entends tellement parler. Tu as joué sur quoi, d'ailleurs? J'y ai joué sur PC, mais il recommande à la manette, ce qui est pas forcément faux, parce que les commandes, en fait, c'est un FPS, mais t'as pas forcément beaucoup de trucs à... Enfin, t'as pas de tir, en fait, on va dire, c'est un FPS pacifique. Donc, à part le vaisseau qui est à contrôler, qui se contrôle excessivement bien à la manette, voilà, ça se joue sur PC, mais je commande de jouer à la manette aussi derrière. Et d'ailleurs, je crois qu'il est sur le Xbox Game Pass, il me semble, je sais plus trop. D'accord, il n'y avait pas de version console ? Si, sûrement il y a des versions console. C'est juste que je l'avais en version PC, je l'avais acheté sur Epic, moi. Mais je pense qu'il doit y avoir une version au moins Xbox, c'est sûr. Peut-être PS4 aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de médias sur lesquels on peut y jouer. Ok, je vérifie là. Ouais, sur PS4, ça m'intéresserait, si c'est sur cette bécane. On peut vérifier vite fait, mais il me semble que ça m'étonnerait que ce soit pas sur PS4, mais on sait jamais avec les accords. Oui, effectivement, c'est PC, One et PS4. Voilà, ouais, non, mais foncez dessus, je pense que c'est une très très bonne expérience et ça change. C'est vraiment un peu relax parce qu'on n'a pas la notion, en fait, on a, à part la notion du temps, voilà, qui se reboot toutes les 22 minutes, on n'a pas de trucs pressés, on n'a pas de combat, on découvre les choses vraiment à notre rythme et on tire ses propres conclusions. Il y a juste la fin qui est un peu galère à obtenir. Moi je conseille en général, si vous avez tout débloqué dans le tableau de bord, regardez éventuellement juste comment accéder à la fin parce que c'est pas le plus évident. Mais sinon, c'est vraiment très jouissif de découvrir les choses par soi-même derrière. D'accord, bah écoute, merci Mopral. Un jour sans fin dans l'espace. Exactement ça, ouais. Non, ça a l'air d'être sympa comme expérience à faire. Ça me fait penser un petit peu à Fleur, toi, un petit peu ce type d'ambiance où t'es plongé dans un univers, puis c'est un peu en mode débrouille, parcours, etc. Voilà, on est passionné, donc on parle, et c'est normal, mais le podcast pourra pas faire 5 heures. Moi, dans ma liste, bien sûr, je vous ai assez gonflé avec ça, hein, pendant très longtemps, dans la revue de presse JV, et je continue d'ailleurs. Nier Automata, moi, quand je l'ai fait, enfin, moi, c'était acheter Day One, etc., j'avais tellement pris... comme The Last of Us Part 2 récemment, tellement pris des claquettes dans le museau en permanence que j'ai aimé après aller voir les réactions des youtubeurs que j'aimais bien et j'ai vu toutes les vidéos d'Atomium sur Nier Automata, enfin ça je l'avais déjà expliqué dans une vieille grande revue de presse JV et c'était intéressant de voir ses réactions voilà, par rapport au moment fort du jeu. Ça j'aime bien faire ça en fait, donc voilà. Et oui, parce que là il y a aussi des promos, parce que là en off la Lina Nounette le rappelait, il y a beaucoup de promos en ce moment, donc foncez. Il y a plein de grands jeux. Elle rappelle, à juste titre, l'un de mes chouchous, un jeu que j'aime autant que mes Yakuza préférés, qui est Judgment, et qui est un jeu dans la famille des Yakuza. Foncez dessus. Sur PS4, là, c'est à 11,99€ en ce moment. C'est même gratuit, tellement ce jeu est extraordinaire. Donc je vous le conseille. Et il y a de la VF, contrairement à Yakuza. Donc raison de plus pour mais y c'est aller. Ça, voilà, oui, tu fais bien de le rappeler. C'est sous-titré FR. Et oh, mais j'ai tellement aimé. On parlait des suites, mais moi, le jour où ils annoncent un Judgment 2, mais je fais la fête, quoi. J'ai tellement envie de retrouver ces personnages. Envie de courir après moi, des moi, j'aime autant que Yakuza. Hein. Vraiment, j'aime autant que Yakuza. Ça m'a. Le jeu m'a tué, quoi. De toute façon, la formule est la même, hein. C'est même l'endroit, enfin la ville est la même, donc c'est vrai que... Oui, mais la petite différence, c'est qu'effectivement, il y a le côté judiciaire que j'ai bien aimé, le scénario que j'ai beaucoup aimé, et puis vraiment le duo qui est à la tête du jeu, moi j'ai envie de les retrouver, tu sais, je trouve qu'ils sont tellement exceptionnels que t'as envie de les suivre dans plein d'aventures, quoi... Il y a Magami. Attends, j'ai un trou de mémoire. C'est la fatigue, excusez-moi. J'ai pas beaucoup dormi l'année dernière. Le nom du héros de Judgment, c'est Yamagami. Putain, j'ai un doute. Mopral, machin truc, aidez-moi. Non, on te laisse t'enfoncer, c'est tellement plus drôle. Ah, c'est pas joli, joli. Hein, c'est pas joli. En d'autres temps, ça aurait été beau. Yagami, ça, Takayuki Yagami. Yagami, pourquoi Yamagami? Je rajoute une syllabe. Takayuki Yagami, c'est ça, c'est lui. Mais quel charisme! Oh là là là là là. D'ailleurs, ce qui me fait dire, et c'est le jeu qui m'a définitivement fait dire, que je trouve qu'un City Hunter par la team Yakuza, ça irait carrément, quoi. Bah. Parce que vraiment, je trouve qu'il y avait une ambiance un peu City Hunter aussi. Typiquement, ça ressemble à ça. Puis quoi, t'as tellement de clichés aussi, ouais. Quand tu fais les combos à bas d'énerver, quand tu balances l'ennemi à ton monopote qui te le renvoie vers top, et après t'as le gros plan chacun de leur côté quand ils sont dos à dos avec un gros sourire. C'est génial ce genre de truc. Et puis les bastons, elles sont jouissives. Enfin, les scénars, les. J'ai voulu le faire à 100%, mais c'est vrai que. C'est impossible. J'étais un peu bloqué au niveau du mahjong. Mais. Et puis aussi, je sais pas ce que j'ai avec le baseball, mais j'ai passé des heures. J'arrive pas à débloquer les derniers trucs. Pourtant, ça, c'est cyclique. Hein. C'est, tu regardes. Oui, c'était cyclique, ça. C'est toujours les mêmes touches. Oui, mais je sais pas. Il y a un truc qui fait que je suis pas équipé. Je sais pas. J'aurais pas à vous dire. J'ai un gros problème avec le jeu du baseball, mais sinon toutes les quêtes, j'ai tout, j'ai vraiment, j'ai aidé tout le monde dans le quartier, et enfin bref, c'est un très très très très grand jeu. Je suis bloqué au dernier boss, moi j'arrive pas à le passer. Ouais, pareil, il est trop dur. Tu n'as pas réussi à le passer ? Bah, pas le boss de l'histoire. Non, le boss annexe. Ah, pardon, en arène, tu m'as fait penser. Le boss annexe. Toi, c'est. Et ben, tu sais quoi ? Ça me fait penser que je l'ai pas fait. Bah, tu vois, je pensais avoir tout fait. C'est celui qui te pique ton portable au début, là. Ouais, j'ai oublié ça. Bon, bah, c'est bien, ça me fait une belle occasion d'y retourner. Ah, mais non, mais ça, t'es obligé de tout finir avant, non ? Oui, par contre, oui. Oui, toutes les missions. Voilà, amitié, c'est pour etc. ça que je l'ai pas rencontré. C'est pour ça que je l'ai pas rencontré. D'accord. Donc, Judgment 2, putain, ça serait trop bien. Même si là, Yakuza 7 qui va être sous-titré en français qui arrive, ça va être extraordinaire aussi. Je ne sais plus avec qui on était au niveau du tour de table, ça doit être Lina ou machin truc, mais je ne sais plus, j'ai un doute. On fait Hashifumi, hein, si tu veux. Hashifumi, là de façon. Oui, Lina. Oui, non, Hashifumi, oui, pourquoi pas. À distance avec Hashifumi audio. Voilà, tout à fait. C'est très sympa. On avait chacun une liste. On va peut-être essayer de faire un peu plus court. Celui-là, on a 1h45 d'émission. Moi, je peux parler d'un tout petit jeu mobile, si tu veux. Bah, vas-y, go. C'est un jeu qui s'appelle... Meuprol le connaît, il l'avait parcouru avec moi. Je l'avais fait aussi en roco il y a quelques revues de presse. J'y vais, en fait. Le jeu s'appelle Friendzone. Donc, c'est un jeu mobile... qui est oui, l'interface oui. En fait, bah, c'est une interface Messenger entre guillemets, comme si que tu parlais à une amie sur Facebook, et c'est une série policière en fait, qui est tout bêtement en fait le jeu part comme si que tu draguais une copine du lycée, ou que tu discutes la première fois, te donne rendez-vous le soir pour faire une soirée thématique horreur, donc le but c'est de raconter une histoire qui fait peur. Puis le lendemain de l'histoire, en fait, le père de cet ami qui te contacte, comme quoi il te dit elle a disparu et tu sais pas ce qu'il en est. Et quand tu remontes le fil de la conversation, toi, rien que le fait d'en parler, toi, j'avais pas le kissier. Tu te rends compte que arrivé à un moment parler, en fait, c'était pas elle qui te parlait, mais éventuellement son kidnappeur. Et là, tu rentres en contact avec sa meilleure amie pour justement mener l'enquête pour essayer de la retrouver, quoi. Et ça part comme ça, et c'est en quatre mini-applications comme ça. Ça, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire maintenant avec les... Il y a beaucoup de jeux comme ça qui se basent sur le côté dialogue fictif, sur ton mobile. D'ailleurs, ça me fait penser... Enfin, je suis d'accord pour les Friendzone, effectivement, on en a déjà parlé, même si moi, j'étais un peu moins fan, on va dire. Au fur et à mesure des épisodes, je trouvais que ça allait un peu trop loin. Bon bref, voilà, mais je vous recommande quand même, hein, dans tous les cas. Et ça me fait penser à un jeu justement un peu narratif, pareil dans le même genre, c'est Another Lost Phone. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire. Oui. Qui est pareil, c'est le principe, c'est que tu trouves un téléphone et du coup, bah, t'as une interface de téléphone et du coup, tu vas fouiller un peu dedans, tu vas fouiller les applications, tu vas voir les SMS, tu vas dernier message de papa, tu me manques, où est-ce que t'as disparu, etc. Et du coup, tu remontes le fil, etc. Tu comprends ce qui s'est passé, tu comprends pourquoi à un moment il y a quelqu'un qui s'est mis à t'insulter, etc. Et c'était vraiment, vraiment top au niveau de l'immersion. En plus, ça a vraiment l'impression de découvrir le téléphone de quelqu'un d'autre. Et ouais, c'était vraiment sympa à ce niveau-là. Ouais, c'est d'accord, mais il y avait Another Lost Phone et A Normal Lost Phone. Moi, c'est le premier. Oui, pardon. Mais les deux sont bien, les deux sont intéressants. Effectivement, pour le coup, c'est des jeux vraiment à faire sur téléphone parce que ça reproduit une interface de téléphone, donc sur PC, c'est tout de suite moins intéressant. Il y avait celui aussi qui était un des premiers, hein, si je dis pas de bêtises, celui où tu converses avec un gars qui est sur la Lune. Je vois ce que c'est, mais j'ai perdu. Zut. Je l'avais téléchargé, c'est j'avais pas joué Chronicles un peu. Chronicles quelque chose Ah, je sais plus. Je vais essayer de le retrouver en attendant. Ouais, et il me semble que. C'est... Alors, je dis pas que c'est le premier, mais en tout cas, ça a été un des premiers, hein, si je ne fais erreur. Mais aussi, Enterre-moi mon amour, je sais pas si oui, vous l'avez j'allais fait, en parler. C'était super. Ouais. Oui, extra, oui, celui-là. Oui. Oui, je ne l'ai pas fait, mais... Eh ben vas-y, télécharge-le maintenant. Parce que des jeux, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et moi j'avais noté pour ce soir... Tout ce qui participe à l'immersion, dès qu'on a une interface commune à tout le monde ou qui nous parle quotidiennement, automatiquement, on plonge dedans, quoi. Ça aide beaucoup. Mais t'as beaucoup de jeux innovants comme ça, enfin... avec vraiment une narration mais vraiment super finaux. T'en as aussi qui exploitent là pour le coup c'est sur PC qui te mettent sur des si tu veux sur des faux desktop. T'en as qui te font visiter le web des années 80 ou 90 avec des enquêtes, enfin c'est assez T'avais Emily is Away comme ça et Emily is Away 2 qui te simule une interface MSN en fait. Alors ça va pas forcément parler aux autres de l'époque, ou non, c'est même pas MSN, c'était ICQ, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, c'est le même genre. Alors tu tapes pas vraiment parce que c'est des dialogues prédéfinis, mais t'as le même principe où tu vas discuter avec quelqu'un. Et je me souviens même à un moment, t'as deux discussions en même temps, donc faut essayer de jongler entre les deux pour répondre à l'une ou à l'autre. Et puis dès que tu réponds pas à quelqu'un, il dit bah pourquoi tu me réponds pas, t'es occupé à autre chose, etc. Enfin, c'était très sympa. Et je vous invite aussi à regarder les travaux de Sam Barlow, celui qui avait fait le remake de Silent Hill sur Wii, là, qui est extraordinaire. Qui avait, c'est la fatigue, hein, purée. Shattered bon, Memories. Oui, mais son jeu d'enquête où tu fouilles les fichiers vidéo de la police. Pour remonter un petit peu le puzzle de l'enquête. Her Story. Voilà, et là récemment il en a sorti un autre aussi. Telling Lies, je crois. Voilà, faut vraiment se pencher sur ce que fait ce monsieur, parce que c'est vraiment. En fait, on est en train de faire un blind test jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, il y a plein de. Moi, je voulais vous parler de Final Fantasy VI, mais bon. J'ai dû sûrement parler déjà 3 heures dans un autre podcast de la revue de presse JV, certainement. Dans une c'est grande plus revue, dur. Final Fantasy VI, c'est quand même plus dur de s'y mettre maintenant du fait de son aspect rétro, je trouve. Je parle de ceux qui m'ont marqué, tu vois. Ah oui, oui. Alors moi, quand j'y rejoue régulièrement, moi, je suis toujours aussi pris par... s'il avait une avance quand même sur son temps, celui-ci, qui était assez incroyable. Maintenant... Je peux pas vous dire ça parce que moi, je le connais depuis qu'il est sorti, je le refais régulièrement. Je peux pas mettre à la place de quelqu'un qui le découvre aujourd'hui, donc je sais pas. Je sais qu'il y en a qui le découvrent, qui tombent sous le charme. D'autres peut-être qui, effectivement, peuvent pas rentrer dedans du coup du pixel art, je sais pas. Sinon, je vous aurais parlé de Nier Automata, je vous aurais parlé de The Last Guardian. J'ai pas aimé The Last Guardian, tu vois, pour le coup. Ah, moi, j'ai... Il m'a bouleversé. Hein, j'ai pas aimé pour une raison tout simple, c'est que tu sais normalement on a Trico du coup qui nous aide le monstre. Et en fait, des fois j'étais frustré parce que je pensais avoir la solution à une énigme et Trico obéissait pas. Et je savais pas si c'était un bug, si c'était parce que la solution était pas bonne, si c'était prévu par le jeu. Et ça m'a frustré à plusieurs endroits où j'étais sûr, bah voilà, faut que je grimpe sur lui, que je grimpe là. Et il voulait pas venir, il voulait pas se mettre au bon endroit. Et du coup, ça m'a juste frustré, quoi. Alors que Ico, j'ai adoré. Un peu moins Shadow of the Colossus, mais ça allait. Mais c'est vrai que The Last Guardian, j'ai vraiment pas réussi à m'y mettre. Bah, The Last Guardian a cette zone grise où tu sais pas si c'est parce que c'est tellement réaliste que tu dois l'apprivoiser. Moi, je suis rentré dans le côté très roleplay. C'est-à-dire pour moi, même si c'était peut-être un défaut d'IA, moi, je suis tombé dans le délire où, voilà, c'est une bête qu'on apprend à se découvrir. Et bah, parfois, il va en faire casse sa tête, c'est normal. Comme quand tu commences quand t'as un nouveau chien ou un nouveau chat, etc. Bon, moi j'ai vraiment pris comme ça et j'ai fini le jeu en larmes. Vraiment, ça a été une expérience très forte. J'aurais voulu vous parler aussi d'FF7 Remake, qui je trouve en termes de narration a amené vraiment beaucoup de choses par rapport à l'original, au point de faire mieux. Et ça, ouais, je m'y attendais pas. Voilà. Mais la liste peut être beaucoup plus longue que ça. Là, j'avais pris que quelques titres exprès pour pas trop m'étendre, et là déjà, bon voilà, je vous les ai cités là, on va même pas s'étendre dessus. Vous aviez peut-être d'autres titres, j'ai beaucoup parlé sur The Last of Us, je préfère vous laisser parler. Vas-y, Ina. Moi j'ai ben, tous les titres de. Forcément, j'ai oublié le nom du studio, KOTOR, Dragon Age, Mass Effect, en fait, ça c'était vraiment des titres qui m'ont beaucoup marqué d'un point de vue narratif. BioWare. Voilà, merci. Je pense qu'on est tous un petit peu fatigués. Oui, non, mais t'as vu les trucs de mémoire que j'ai depuis tout à l'heure ouais, aussi. Ouais, BioWare, enfin, du temps du grand BioWare, pour moi, c'était... En fait, je me posais même pas la question de... d'acheter ou pas leur jeu, en fait. Je savais que j'allais aimer. Même Dragon Age 2, dont je reconnais honnêtement que c'est une purge. J'ai trouvé qu'il était pas si mal écrit. Après, là, pour le coup, je parlais du gameplay bancal. En fait, en gros, t'avais un donjon, une cave. On faisait semblant qu'on t'envoyait ailleurs, mais pas du tout. Franchement, moi, tous les jeux, enfin, je les ai découverts avec avec KOTOR, et puis après, j'ai accroché aussi. Ils avaient fait un jeu en Chine, Jade Empire, dont on parle pas beaucoup, et en fait, il avait vraiment ses qualités. C'était un des, enfin, pour moi, c'est des jeux qui avaient été marquants, dont je trouvais la narration vraiment intéressante. Enfin, bref, voilà, BioWare me manque un petit peu. Là, je l'avais pas fait. Jade of Empire, mais j'avais beaucoup aimé KOTOR. Je l'avais fait sur la première Xbox, si je me souviens. J'avais beaucoup aimé. Avant que j'oublie, de toute façon, il y a 1000 jeux que j'ai oubliés, mais juste pour les citer, mais au montage, je vais me foutre des claques parce que je sais que je vais me dire, j'ai pas parlé de celui-là. Bon, bref, Silent Hill 2, bien sûr, qui pour moi est, voilà, a été un grand moment aussi dans ce qui est de la narration vidéoludique. Voilà, je vous laisse. Continuez, quelqu'un a un autre titre ? Moi, c'est logiquement les Persona. Alors, j'ai fait que le 4 et le 5, hein, mais pour moi, c'est vraiment des expériences à part entière. C'est toujours un crève-cœur quand t'as terminé le jeu, que tu, voilà, t'as plus rien à faire, bah, t'as pas le choix, faut l'arrêter, et puis tu vas te laisser tous les personnages, tous tes amis derrière quand t'éteins la console. C'est vraiment. C'est un des rares jeux qui m'a accroché où j'avais vraiment pas envie d'arrêter le jeu. Mais vraiment, ça m'aurait pas dérangé qu'il continue comme ça, tellement j'étais bien dans le jeu, quoi. Et d'ailleurs, Persona 5 qui est sorti en version royale avec sous-titres français. Je l'ai pas encore fait. Plus d'excuses. Voilà, il y a plus d'excuses. Je l'ai pas encore fait. Je sais pas la qualité des sous-titres, mais au moins si vous êtes bloqué par la langue anglaise, bah vraiment foncez. Alors soyez prêt à dépenser au moins 80 heures dedans. Hein, y a pas de problème. Beaucoup de lecture, mais pour moi c'est vraiment un titre qui vaut le coup. Et s'il y a un titre long que vous voulez faire, c'est celui-là. Machin truc, tu aurais un, t'en as un autre de sous le coude ou? Non, c'est bon pour moi. D'ici et après c'est pareil. Si je commence à rentrer dans le détail, ça peut durer longtemps aussi. Bah ouais, c'est clair. Parce qu'on a fait le tour des derniers qui nous sont venus en tête. Je pense que c'est déjà pas mal. Déjà, si les auditeurs font déjà la moitié des jeux qu'on a cités, je pense qu'ils en ont déjà pour un moment. Tiens, c'est clair. Ouais. J'ai en cité un qui me revient à l'esprit. Alors, je connais pas forcément des masses, mais il s'appelle In Memoriam. C'est un assez vieux jeu maintenant. Je sais pas si vous connaissez de l'autre côté. Je sais pas si c'est encore jouable maintenant, In Memoriam, parce que ça supposait de se connecter, tout ça, d'aller sur des serveurs, si je me souviens bien, non ? C'est ça, ouais. Il t'envoie des mails, exactement. En fait, l'idée, c'est que tu résous une enquête et tu vas inscrire ton email. Et ils vont t'envoyer régulièrement des mails. Ils vont dire, voilà, télécharge ce logiciel pour accéder à ce puzzle. Et régulièrement, tu reçois des mails. Quand tu avances dans le jeu, au niveau de l'enquête, quoi, ils vont te dire que tu as avancé, etc. Alors, je l'ai fait il y a quelques années, donc c'est vrai que maintenant, je ne sais pas s'il est encore jouable. Mais c'est le jeu d'Éric Viennot, ça. C'est pas impossible, oui, il me semble. Je crois que c'est un jeu français, ouais. Et pour le coup, au niveau immersion, enfin, c'est vraiment total, quoi. Tu reçois vraiment les mails des personnes, tu reçois des trucs en pièce jointe, etc. Alors, faut pas avoir peur, hein, c'est pas des spams ou des virus. Voilà, faut faire attention quand on achète le jeu, alors même s'il n'est pas trop accessible, je crois qu'il est même pas sur GOG ou autre, donc ça va être compliqué. Mais je sais que niveau immersion, celui-là, il m'avait vraiment impressionné parce que voilà, c'était vraiment dans l'enquête, quoi. Tu résous une vraie enquête, tu reçois tes mails, c'est à toi qu'on s'adresse. Il a beaucoup travaillé, Eric Viennot, justement, sur trouver des moyens novateurs pour amener une narration un peu différente. Je sais que c'est vraiment un de ses trucs aussi. On est passé rapidement sur Plectel tout à l'heure. Parce que toi, Mopral, tu es un traître, tu n'as pas aimé. Ah, je peux encore le critiquer, il n'y a pas de souci. Hein. Débranchez-le. Non, moi, j'ai adoré. J'ai adoré Plectel. Le gameplay, peut-être un petit peu rigide, peut-être, effectivement, mais j'ai beaucoup aimé, et puis surtout les personnages, cet univers, enfin, vraiment, ça a été une grosse surprise pour moi. Dans les surprises récentes, en tout cas. Vous avez un autre titre, non ? Peut-être toi, Lina ? Là, comme ça, non. Je pense que j'ai fait le tour des titres auxquels je pensais. On fera un numéro 2 pour évoquer tous les jeux de David Cage. Voilà, les jeux qu'on a oubliés. Il faut moins ça, ouais. Volontairement. Ouais, ouais. Pas. Mais même si je reconnais, je vais pas m'étendre là-dessus, parce qu'on en a longuement parlé dans une précédente émission. À ma grande surprise, j'avais beaucoup aimé Detroit. Ouais. Au point de le recommencer un nombre incalculable de fois pour faire à peu près tous les tronçons. Donc, voilà, c'est des conseils. En fait, c'est vraiment pas une liste. complète. On vous a parfait un historique des jeux qui ont chamboulé la narration dans le jeu vidéo, parce que c'était juste impossible, parce qu'on était un peu trop fatigué, puis on avait envie vraiment d'une ambiance un petit peu, voilà, un petit peu festive, à la bonne franquette, comme disent les jeunes, pour la dernière de la saison. Mais déjà là, ça vous fait une liste quand même, je pense, assez garnie. Vous voulez peut-être faire quelques petits trocos? Ah bah, il me semble pas que j'en ai prévu de mon côté. Au mais, moins pour parler de Takocha plaisir. Bookshis Pizza, oui. Voilà, c'est sûr. On est d'accord, on va proposer ça. Ah, alors, dites-moi ce que c'est alors. Vas-y, je te laisse, Alina, j'en parlerai d'un autre, moi. Et alors, Takocha Bookshis Pizza, en fait, c'est un jeu, moi je trouve qu'en termes de jeu d'été, c'est juste. C'est génial. C'est un concept hyper simple, c'est-à-dire que. En gros, chaque joueur. Alors, ça joue de mémoire, ça joue de 2 à 8 joueurs. Chaque joueur a 12 cartes, entre 10 et 12 cartes. Et en fait, chaque joueur va jouer chacun son tour. Le premier joueur va dire taco et retourner sa carte. Le deuxième joueur va dire book et retourner sa carte. Le troisième joueur, chat, retourner sa carte, etc., etc. Là, vous avez compris la première partie des règles. En fait, quand le joueur dit par exemple book, il retourne un book, en fait. Tous les joueurs doivent toucher la pile centrale. Alors c'est vrai qu'actuellement c'est moyennement Covid compatible comme jeu, faut reconnaître. Oui, j'ai vu. Et le dernier qui touche la pile centrale, en fait, doit récupérer toutes les cartes. Et en fait, le but du jeu, c'est d'être le premier à vider complètement sa main. Voilà. C'est simple, c'est hyper efficace, c'est très drôle. Sachant qu'en plus, il y a des cartes en plus, comme le gorille, la marmotte et le narval. Et donc, il faut faire un petit mouvement avant de pouvoir toucher les cartes. Par exemple, pour le gorille, il faut se taper sur la poitrine. Donc, ça part très vite dans tous les sens. Ça marche très bien auprès des joueurs et aussi des gens qui n'aiment pas jouer aux jeux de société. Moi, franchement, je trouve que c'est un jeu, que c'est de la bonne humeur. C'est 8,50€. Franchement, ce sera bien investi et c'est clairement pour toute la famille. Ok, bah écoute, merci pour cette reco. C'est vrai que ça donne envie. Donc toi, Mopral, c'était la tienne aussi, du coup? Oh, bon, je vais en faire une autre au cas où, quand même. Mais dans tous les cas, oui, je recommande celui-là. Il joue à très jeune en plus. Donc c'est vraiment un truc extra au niveau ambiance. Il n'y a pas beaucoup mieux. Et même si on perd, c'est vraiment pas gênant parce que voilà, on s'amuse juste à voilà enchaîner taco, book, cheese, pizza, et puis tu sais, ça devient un peu une litanie qu'on répète comme ça, puis hop, d'un seul coup il y a un book et hop, on doit tous taper, puis des fois le book il est marron alors on pense que c'est une autre carte et en fait non, et vraiment je m'éclate beaucoup à ce jeu là aussi. Ok, bah écoute, c'est cool. Donc t'en as un autre, du coup? Ouais, j'en ai un autre, je vais en parler rapidement. Bah tu me connais, j'ai toujours... Il faut que vous nous fassiez une nouvelle édition dissidente spéciale jeux de société, ouais. Là il n'y a pas moyen. Ah, faut qu'on s'y remette, ouais, c'est clair. Je vais en parler un qui s'appelle Cosmopolite, tout simplement parce qu'il est un peu original au niveau des jeux de société. Le principe, alors ça joue avec une application du coup, donc il n'y en a quand même pas forcément, mais là il n'y a pas le choix. Le principe, c'est qu'on est des restaurateurs, enfin des... On va dire des serveurs dans un restaurant, t'as le chef, t'as celui qui prend les commandes, etc. T'en as un qui va avoir donc dans l'appli, on va dire une image avec plusieurs tables de libre. Il y a un client qui va s'installer, il va appuyer dessus et le client va dire le plat qu'il veut. Le problème, c'est que c'est pas en français ou en anglais, ça va être des langues parfois pas forcément connues, genre un truc qui est parlé par 10 personnes au sud de l'Afrique, etc., parce qu'ils ont fait des grandes recherches là-dessus. Et du coup, tu vas juste entendre un truc un peu, voilà, que tu comprends pas, quoi, enfin un peu en onomatopée, tu vas pas forcément comprendre. Du coup, le but, ça va être de dire au maître d'hôtel la commande, le numéro de table, qui lui va essayer de le répéter à ses chefs derrière, chefs cuisiniers. Et eux, ils vont avoir une liste de plats avec, pareil, écrit le mot. Donc, il va falloir faire la jonction entre ce que tu as entendu, ce qui a été répété, et ce qui est écrit. Donc, tu vois un clapachou, bon, tu sais pas trop ce que c'est. Tu dis, tiens, ça sonne russe, je regardais, est-ce que c'est clapachou? Oui, ça ressemble à ça à peu près. C'est lié à un ingrédient, tu cherches l'ingrédient, tu le passes au maître d'hôtel. Lui, il passe à la personne qui a la tablette, il scanne et on voit si ça a marché ou pas. Et ça va juste être le principe du jeu, c'est que voilà, t'as plusieurs clients qui vont parler dans différents dialectes, il va falloir trouver le dialecte que ça correspond, il va falloir vite trouver dans les ingrédients, etc. Évidemment, les clients s'énervent, si tu leur demandes de répéter un trop nombre de fois, ils vont s'énerver, ils vont quitter la table. C'est un jeu pur coopératif, mais qui a eu une grande phase de recherche au niveau du dialecte qu'il peut y avoir autour des pays. C'est super instructif et ça joue hyper bien parce que même si tu sais pas jouer, le principe c'est juste de savoir répéter, éventuellement noter ce que tu as entendu, quoi. Donc il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais je trouve qu'au niveau des jeux de société, c'est vraiment un truc qu'on voit pas souvent, quoi, qui permet de l'échange multiculturel comme ça, de découvrir des trucs en plus, parce que tu découvres des plats qui n'existent pas, une langue que tu connais pas. Il y a, dans les règles, il y a la moitié qui est pour les règles, voire même un peu moins, et tout le reste, ça va être des anecdotes, des recherches qu'ils ont fait, etc. Et c'est super passionnant, et vraiment, je le recommande, il est pas trop trop cher, en plus, je crois, même pas une trentaine d'euros de mémoire, donc je vous recommande de foncer là-dessus si vous savez pas forcément vers quoi aller, que vous n'êtes pas forcément fan des jeux de société un peu plus classiques, bah là c'est une belle découverte pour moi. Bah écoute, merci, parce que ça a l'air vraiment chouette. Du coup, bah merci pour cette reco, Mopral. Toi, machin truc, tu aurais quelque chose à recommander ? On va rester dans le thème The Last of Us. Donc après avoir écouté les émissions quotidiennes de la revue de Prajv, je vous invite à écouter le podcast officiel The Last of Us, donc qui retrace tout ce qui est, déjà toute l'aventure du premier épisode en plusieurs podcasts en différentes parties. Attends, je vais y arriver. Et en plus, on a les voix françaises officielles qui doublent donc les différents commentaires, les scènes cinématiques justement qu'on peut croiser dans les différents jeux. Donc ça nous plonge vraiment dans l'ambiance. Donc c'est des petits podcasts qui durent à peu près une heure. Il y en a un par semaine. Là, aujourd'hui, il y en a cinq. Je pense qu'il va y en avoir encore 3-4 pour finir l'histoire. Enfin, le making-of de Last Two. Donc, voilà. Donc, une petite écoute. Ouais, c'est un making-of audio, en fait. C'est vachement chouette. Moi, j'ai pas eu le temps de tous les écouter. Je suis encore sur le premier, moi. Mais j'aime beaucoup ce concept-là, en fait. Et puis, bon, si ça intéresse au jeu, c'est Byzance, quoi. Mais... toi t'es encore en premier, mais en fait les quatre premiers retracent l'histoire du premier, donc c'est ce qu'ils disent, hein, si vous avez pas joué au premier épisode, donc ne pas forcément l'écouter pour pas se faire spoiler, mais par contre à partir de l'épisode 5, c'est les making of justement du deuxième épisode, donc justement ils reviennent sur l'histoire de qui aurait pu être totalement différente, notamment entre Abby et Ellie, parce que l'histoire principale ne devait pas commencer comme elle a commencé dans le 2, donc je vais pas rentrer dans les détails pour pas vous spoil. Mais il y a pas mal de petites choses comme ça, même sur les travails de motion capture, des différents animaux, des différents personnages, etc. Donc à écouter si vous êtes curieux. Ah ouais, non, moi c'est clair, faut que je rattrape mon retard là-dessus. Déjà, moi, tout ce qui est making of, je suis hyper client. Puis là, avec les voix en plus, ça ajoute un cachet vraiment particulier, quoi. En tout cas, ce fut à nouveau un plaisir de pouvoir faire cette émission avec vous, qui est complètement foutraque. Je pense que j'ai bien m'amusé pour trouver un titre. Ça va être bien rigolo. C'est du spoiler, du The Last of Us, mais des jeux qu'on aimait aussi. Et puis bon, enfin, c'est parti un peu partout, mais c'est ça, j'aime bien. Spoilest of Us. Oh, il est fort. Allez, bam. Tu sais que t'as une carrière dans la pub qui t'attend, toi. Hein. Ouais, je pense. Ou les intertitres de Game Cult aussi, ça marche aussi. Non, mais il y a un truc à faire, je pense. Ouais, il faut que tu trouves ton lapère, il n'y en a pas deux. Tu vois, il faut que tu trouves ton slogan star. Mopral, il n'y en a pas deux. Ouais, non, ça colle pas. Ouais, mais là, non, voilà. Lapère, il n'y en a pas deux, qui est un slogan de Thierry Ardisson du temps où il bossait dans la pub. Et oui, on apprend beaucoup de choses dans cette émission. Bref, je vous remercie, mes amis, d'avoir été là ce soir à nouveau. N'hésitez pas à réagir, à partager sur les réseaux sociaux, à être vu de presse, j'y vais tout coller. Le Facebook, le Discord, bref, l'Instagram maintenant, bien sûr. Parce qu'on est Jones aussi, dans le cœur, dans l'âme. Bref, je vous remercie. Merci Lina Nouette. Ouais, merci à toi, c'était très sympa de pouvoir refaire une grande revue de presse JV de l'été, pour le coup. Ouais, c'était vraiment super chouette. Et puis, je remercie également Mopral. Mais de rien, ça m'a fait plaisir aussi. N'hésitez pas cet été, si vous avez, je ne sais pas, une soirée ou deux à perdre, à faire encore une petite édition dissidente. On va se motiver, voilà, promis. Les jeux de société pour l'été, ouais, pour jouer en famille. Et puis de toute façon, il y a un semi-confinement qui nous pend encore au nez, donc il y a de quoi faire plein d'émissions spéciales jeux de société pour occuper les gens. C'est clair. Machin truc, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi d'avoir lancé la grande revue, parce qu'on pensait qu'on allait passer à côté. Puis c'est pareil, moi ça faisait un petit moment que j'étais pas passé pour diverses saisons, donc j'étais content de vous retrouver ce soir. Bah moi aussi, ça m'a fait vraiment super plaisir, et voilà, on va essayer de travailler sur une formule encore meilleure. Mais en même temps, j'aime bien ce petit côté, voilà, on part un peu dans tous les sens. Bref, on va discuter de tout ça. En tout cas, je pense que les auditeurs passeront un bon moment. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais de gros bisous. Et donc, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye. Bye bye. Salut. Ciao.